فيها ثمانية. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أرحب بكم مرة أخرى في هذه القاعة المباركة إن شاء الله تعالى، سائل الله عز وجل أن يعيننا وأن يوفقنا وأن يهدينا وأن يثبتنا وأن يعلمنا وأن يرزقنا الإخلاص. أما بعد، je voudrais d'abord savoir ceux qui vont m'aider pour la traduction. Ensuite, inshallah ta'ala, pour leur enlever le point rouge, on commence inshallah ta'ala. Je sais que d'habitude il y a, j'ai oublié qui, c'est que il y a Omar Abdallah, je sais pas laquelle, Omar Abdallah. Ensuite, Omar Abdallah. Ceux qui veulent m'aider pour la traduction, inshallah ta'ala, indahum ajr. Nous faisons ça inshallah pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour que les gens comprennent. S'il y a d'autres, inshallah, qui lèvent la main, c'est tout. Qui lèvent la main, inshallah ta'ala, pour commencer. Ilyes Abouanes. Même s'il y a 4 ou 5, ça ne fait rien. Peut-être c'est mieux. Hein. Des fois, peut-être les 3, ils ne trouvent pas ce que je veux dire. Un 4e, un 5e, il peut nous aider, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Al-Muhim, nous allons commencer comme d'abord par une petite révision. Inch'Allah ta'ala, on rentre dans le DAS. Naam, il y a ce... Ça, il y a ce dans le point rouge. Nibda, inch'Allah, kal'ada, bi muraja'a basita, wa nutrul, inch'Allah ta'ala, mubashara, fi DAS, DAS al-Aqida, inch'Allah ta'ala. ما في مشكل فيما يخص زنجبيل، ما في مشكل. طيب، nous avons dit وقلنا ان اهل السنه والجماعه طبيعه الحال لهم عقيده تختلف عن عقيده اهل البدع، عن عقيده اهل البدع، ولا يكون احدنا من اهل السنه والجماعه حتى يلتزم بأصول أهل السنة والجماعة ولا سيما بعقيدتهم. Nous avions dit plusieurs fois que la sunna ou jamaa diffère des innovateurs et des sectes égarés, et que personne ne peut être de la sunna ou jamaa s'il ne se base pas sur leurs règles. On avait dit que les innovateurs, en ce qui concerne les noms et les attributs, ils font 4 choses. Les innovateurs, en ce qui concerne les noms et les attributs, ils font 4 choses que les sunnites ne font pas. Wa dhakarna fi ma mada anna al-mubtadi'a anna lahum arba'at mahadir fi ma khus al-asma wa as-sifat. Ou bien en d'autres sens, que les sunnites ou jama'a, ils se basent, en ce qui concerne les noms et les attributs, ils se basent sur 4 choses. Yani, ils disent, nous, yani, tout ce que Allah Azza wa Jal a dit à son prophète, on l'accepte, mais il y a 4 choses. J'ai parlé de 4 choses. Goult, mahiya, hadi al-arba'at ashiya. Mahiya, hadi al-arba'at ashiya, fil asma wa sifat. Al-arba'at ashiya. Allati, la yif'alunaha. Ha sunna wa jama'a, la yif'alunaha, fi ma khus sifat, wal asma, arba'at ashiya. Mahiya. Pour ceux qui n'ont pas compris la question, ou là pour aider un peu, je commence par la première et les autres, les 3 autres, c'est vous qui les cherchez, inshallah ta'ala. Al-Sunna al-Jama'a, en ce qui concerne les noms et les attributs, ils attestent cela, يَعْتَقِدُونَ ذَلِكَ أَوَلَمْ مِنْ غَيْرِ تَعْتِلِ. Premièrement, مِنْ غَيْرِ تَعْتِلِ. yani sans négation. Il ne nie pas. Car il y a certains, comme par exemple Jahmiya, qui nient. Tu lui dis, Allah Azza wa Jal, il a un visage, il n'en a pas. Allah Azza wa Jal, il a les mains, il n'en a pas. Allah Azza wa Jal, il a le pied, il n'en a pas. Allah Azza wa Jal, il ne descend pas. Hada, min ghayri ta'til. Ha'ulayhum al-mu'attila. Yu'attiluna sifatillahi Azza wa Jal. بقية ثلاثة أشياء أخرى ما هي قلنا من غير في الأولى قلنا من غير تعطيل الثانية ما هي الثانية أبو سلامة تفضل ولا تشبه من غير معلش تشبه سي لو ترويزيام صح ما يهمش نتكلم دون ترتيب أنسون الجمع لا يشبهون الله عز وجل بمخلوقاته السنة والجماعة نفهم با رسمبلي الله سبحانه وتعالى سي كرياتور ني سي كرياتور الله عز وجل لكن ها هنا تنبيه بسيط الأفضل أن يقال من غير تمثيل الأفضل أن يقال من غير تمثيل ولا يقال من غير تشبيه مي دو بريفيرونس العلماء ديز اون دي من غير تمثيل على لا بلاص دو من غير تشبيه بوكوا جو فيو دير بوكوا باسكو التشبيه En fin de compte, tashbih, il y a un peu de tashbih entre il y a du tashbih, de la ressemblance dans le mot, dans l'attribut seulement. Tu dis Yadullah, la main d'Allah, tu dis la main de X. Tu dis Allah descend, moi je descends. Ça s'appelle, c'est une sorte de tashbih, une sorte de ressemblance. Donc il y a une sorte de ressemblance seulement dans le nom. C'est pour ça qu'on préfère dire min ghayri tamthil. Et d'ailleurs le Coran dit aussi min ghayri tamthil quand il a dit Allah Azza wa Jal laysa kamithlihi shay laysa kamithlihi shay il a employé le mot mithl c'est pour ça qu'on veut employer les mêmes mots inshallah ta'ala zanjabila tafaddali min ghayri tahrif wala tashbih wala tamthil qu'est-ce qu'on ajoute encore il y a deux autres choses à ajouter wala takyif Tekif, on ne dit pas comment. Le tekif, c'est comment. Comment l'Azzawajal descend-il? Comment a-t-il des mains? Comment ceci? Le comment, seul l'Azzawajal le connaît. Mais le tekif. Kun as-sifa, l'Azzawajal, huwa wahdahu alladhi sta'thara bi'ilmi dhalik. La ahad ya'rif dhalik. Fa la nas'alu. Kama qala al-imam Malik ala rahmatullah, illadhi qala kif istawa? Qala al-istawa ma'lum. أو معقول قالوا الإيمان به واجب ثم قال يعني والسؤال عنه بدعة وأخرجوه عني إني أراه رجل سوء فأخرجوه إلياس تفضل إلياس قلنا من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تكيف إلياس لكتخيام بقيت وحدة ما هي أخرج لم أفهم ماذا كتبت أخرج j'ai pas compris ce que tu as écrit Elias j'ai pas compris أم هاجر تفضلي تعطيل تعطيل نعم تعطيل من غير تحريف لا صح من غير تحريف نعم التعطيل je crois qu'on a commencé par التعطيل on a commencé par التعطيل اخرج نعم اخرج او قال اخرجوه عني نعم لا dernière chose c'est من غير التحريف سي لا ديفياسيون الله عز وجل il a dit les mains notre il va dire non c'est pas les mains c'est autre chose c'est النعمة c'est القدرة c'est la puissance c'est les bienfaits c'est et commence à faire quoi des تحريفs il va dévier les noms et les attributs de leur sens qu'a voulu الله عز وجل celui-là c'est comme je viens de dire il n'est pas de sunnah ou jama'a. Comme t'aklimna an al-wajh, et on avait dit que Allah Azza wa Jal avait un visage. Comme anna lillah subhanahu wa ta'ala, anna lahu wajhan yaliqu bi jalalihi wa bi jamalihi. Wa yabqa wajh rabbika dhul jalali wal ikram. Maintenant, bien sûr, on a donné l'adilla, etc. Maintenant, je vais vous poser certaines questions sur d'abord le wajh. Est-ce que Voilà, pour ceux qui étaient présents, للذين حضروا الدرس للذين حضروا الدرس أما الآخرون لا أدري هل يستطيعون أن يجيبوا لكن ceux qui ont été présents dans le درس هل الوجه هو الذات هل الوجه هو الله سبحانه وتعالى إذا قلنا مثلا في القرآن كلمة وجه هل الوجه هو الله وهو الذات أم الوجه صفة صفة وتفضل مسلم طيب والآن مسلم ما زال نفس الشيء ولا شوف شوف إذا نفس الشيء أفضل جزاك الله خير جزاك الله خير على التنبيه نعم طيب je ne peux pas parler plus loin que cela Inch'Allah ta'ala je ne peux pas parler plus loin que cela je ne peux pas m'en éloigner plus parce qu'il est dans mon cou là. Il est dans mon cou طيب en ce qui concerne le visage Allah subhanahu wa ta'ala est-ce que le visage c'est Allah ou le visage c'est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ceux qui étaient Inch'Allah ta'ala dans le dars مسلم تفضل استوى على ريبونس تفضل في نقطة بوان روج ريا تفضل استوى على ريبونس جاري بارلي نعم سير لو فيزاج طيب جافي دوموندي اسكو واسمك رياض جو دوموند اسكو الوجه لو فيزاج الله سبحانه وتعالى اسكو سي الله C'est un attribut, bien sûr, c'est un attribut d'essence. Est-ce que quand je dis le visage c'est Allah, ou bien c'est autre chose? Est-ce que quelqu'un a la réponse? Bon, Riyad a dit c'est Allah. Allah a un visage pas comme nous. Non, il n'a pas comme nous. Oum Abdullah, t'as fait d'Ali. Oui, c'est Allah. Tu as dit comme Riyad. C'est un attribut, c'est Fadatiya. Chauffe. Ma réponse, de toute façon, toutes les réponses étaient justes et ça demande seulement un peu de détails. Al-Wajh, c'est Fadatiya. Al-Wajh, c'est Fadatiya. C'est un attribut d'essence. Ceux qui, quand on parle du visage, ils disent Allah, on va leur dire, qu'est-ce que tu veux dire par Allah? Si tu veux dire que Allah subhanahu wa ta'ala, quand on dit visage, c'est Allah. Ça veut dire qu'il n'a pas de visage. Là, tu as fait une bid'a. C'est pas vrai, ça. Mais si tu veux dire que, par exemple, dans le verset, wa yibqa wajhu rabbika, c'est-à-dire, yibqa Allah, là, d'accord, tafsir billazim. Hada tafsir billazim. Mais, tu dois savoir que Allah azza wa jal, comme il a les mains, comme il a les pieds, comme il a les deux yeux, il a aussi le visage. Donc ceux qui disent le visage c'est Allah, on leur dit qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous voulez dire qu'il n'y a pas de visage, et quand on dit le visage, ça veut dire on dit Allah. Non, il y a le visage qui est un attribut d'Allah. Allah a une essence, zat wa mutasifa. Elle a beaucoup de sifat, entre autres, les mains, les deux mains, les deux pieds, les yeux, entre autres, le visage. Allah a un visage, et c'est un attribut d'essence. Maintenant je vais poser une question un peu difficile, mais pour ceux qui étaient présents. Maintenant, peut-être ils pourront répondre. Maintenant, Quand on dit nous, fi qawli ta'ala, wa yibqa wajhu rabbika, dhul jalal wal ikram, wajhu rabbika. La plupart des ulama ont dit ici dans ce verset, yibqa wajhu rabbika, et yibqa Allah, c'est impossible qu'il reste le visage sans qu'il reste Allah. Wa yusamma hada tafsir billazim. Ça veut dire, si tu dis ceci, ça inclut ceci, ou bien ça induit à cela. Yani billazim. Si tu dis, voilà une maison devant moi, Ça implique qu'il y a quelqu'un qui est venu la construire. Elle ne s'est pas construite toute seule. Et si tu dis voilà une voiture de revanche, ça implique que on l'a construite dans une maison, etc. Ça par implication. Quand on dit le visage reste, ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala reste. Mais quelle est la différence? Voilà la question. Quelle est la différence donc entre Al-Sunnah ou Jama'a et entre les Mubtadi'a? Car les Mubtadi'a disent c'est Allah qui reste. Ils disent c'est pas le visage, c'est Allah qui reste. D'ailleurs, venez avec nous, ils vont te dire comme ça. Viens avec nous, Tafsir Ibn Kathir, le Prawjur Bekel va dire c'est Allah. Quelle est la différence entre nous et eux? Nous aussi, dans ce verset, on a dit Allah. Mais quelle est la différence entre nous et eux? Pour ceux qui ont oublié, une fois, j'avais parlé de la même chose et j'avais montré la différence lorsque je me suis basé sur le verset où Allah Azza wa Jal a dit Yadullah fawqa aydihim. Yadullah fawqa aydihim. J'ai dit, même Ibn Kathir ici a dit que le verset ici, c'est pas pour prouver que Allah Azza wa Jal a une main, mais c'est pour dire que les ta'kid al-bay'a. Ta'kid al-bay'a. Les sahaba, quand ils ont fait le pacte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jal a dit, ma main est au-dessus de Yadullah fawqa aydihim. Ma main est au-dessus de leur main. Car vous mettez vos mains sous la main du prophète pour faire le pacte. Bon, ma main est au-dessus de vos mains, ça veut dire il faut yani, que vous soyez la tanqoudou al-bay'a, li ta'kid al-bay'a, afin que le pacte est là, que vous ayez peur, etc. Car quand vous faites avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la main d'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de la main au-dessus de vos mains. Là aussi j'avais dit la même chose que ce que je veux aujourd'hui en ce qui concerne le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous donne quelques secondes, si vous ne pouvez pas, je vais répondre, inshallah ta'ala, pour ne pas perdre beaucoup de temps. Je vais formuler d'une autre façon. Nous, un sunnah ou jama'a, on ne dévie pas le sens, on accepte tout ce qu'Allah Azza wa Jalla a dit, on l'atteste, comme j'ai dit. Il y a des tahrif, ou la ta'til, ou la tamthil, ou la takif. Maintenant, si nous on va dire yibqa wajhu rabbika, on va dire c'est Allah qui yibqa. Les mubtadi'a vont nous dire, mais vous vous déviez. Allah Azza wa Jalla a dit le visage, vous avez dit c'est Allah. Donc nous aussi, la main on va dire c'est la puissance, l'autre on va dire c'est autre chose. Quelle est la différence entre nous et eux? Voilà la question une autre fois. Bon. Peut-être que c'est une question difficile. Voilà, la réponse, elle est très simple. On va leur dire la différence entre nous et Al-Bida. Al-Bida, quand ils viennent à ce verset, par exemple, ils disent, le Wajh, c'est pas le Wajh, c'est Allah. Nous, on leur dit, nous aussi, on dit c'est Allah, mais la différence entre nous et vous, nous, on dit c'est Allah, et en même temps, on dit Allah a un visage. C'est Allah, d'accord, là, c'est Allah qui reste, mais Allah a un visage, là, il a dit Wajh wa Rabbika, il a un visage. Eux, ils disent non, c'est Allah qui reste, mais il n'a pas de visage. Voilà la différence. Comme la même chose dans les mains, dans les deux mains. Dans les deux mains, nous, on va dire, d'accord, Allah Azza wa Jal veut tawkid le pacte, le bay'a, mais nous, on dit Allah Azza wa Jal à la main. Car il a dit yadullah fawqa aydihim. Mais eux, ils disent quoi? Ils disent non, arada faqat tawkid le bay'a. Arada tawkid le bay'a, Allah Azza wa Jal laysa lahu yad. Allah Azza wa Jal laysa lahu yad ou yadan. Quelle est la différence entre un attribut d'essence et un attribut d'acte? Mal farq bayna sifat dhatiyya wa sifat fi'liyya. Mal farq bayna sifat dhatiyya wa sifat fi'liyya. Fadli zanjabila, tafadali. Muslim barakallahu fik, si tu peux descendre ta main afin que je sache ceux qui ont levé la main. Je répète, quelle est la différence entre c'est pas un attribut d'essence et un attribut de l'acte. Dhatiya qui ne sépare pas d'Allah. Naam. Dhatiya, la tenfak an Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. La tenfak an Allah subhanahu wa ta'ala. Amma al-fi'liya, hi allati, khali, je le laisse comme soual. Bilal, tafadhal. Bilal, tafadhal. L'acte dépend de sa volonté. Et l'essence qui ne dépend pas de sa volonté. L'acte dépend de sa volonté. C'est fait, c'est manot abimada, بقدرته وبمشيئته. الله عز وجل إذا شاء فعل، إذا لم يشاء لم يفعل. مي صفة ذاتية هي صفة لا تنفك عن الله سبحانه عز وجل. Qui peut me citer deux séfètes en même temps. Elles sont des attributs d'essence et des attributs de l'acte. Shiraz, Shiraz, tafaddal, tafaddali, Shiraz. Ar-Rahma, barakallahu fik. Ar-Rahma, na'am. Ar-Rahma, c'est un attribut d'essence, car c'est impossible que Allah Azza wa Jalla ne soit pas rahim. C'est quelque chose qui ne se détache pas de lui. Mustahil an yakuna Allah Azza wa Jalla laysa rahiman. فمن هذا الباب هي صفة ذات وهي صفة فعل استنطفي دولك تسكي يرحم من يشاء ويعذب من يشاء quand il veut يرحم quand il veut pas لا يرحم. هذا c'est premièrement. Deuxièmement, Abu Salama, تفضل Abu Salama. القدرة صفة القدرة صفة القدرة صفة القدرة هل هي من الاثنين؟ انا ذكرت شيئا اخر. نعم اسمك ابو سلمى. ابو سلمى القدره الله عز وجل صفه ذاتيه فيه بطبيعه الحال، والله عز وجل على كل شيء قادر، على كل شيء قادر. ولا اعرف من علماء من ذكرها في في في في الذاتية والفعلية. لا أعرف من العلماء من ذكرها في الفعلية والذاتية. إذا كنت تعرف من فاذكر لي من، بارك الله فيك، فاذكر لي من. رياض تفضل. رياض لا باول، بارك الله فيك. لا باول الكلام، الكلام نعم الكلام. لا يتصور أن الله عز وجل أبكم. Il est impossible de concevoir que Allah Azzawajal ne parle pas, est muet, stahil. Mais en même temps, il parle avec qui il veut et il ne parle pas quand il ne veut pas. Ça veut dire, ça, en ce sens, c'est quelque chose de l'acte. En ce sens, c'est quelque chose de l'acte. Oumu Luqman, tafadali. Alaykum salam, sifatu dhatiya wa fi'liya. La parole. Naam. La parole, ça. La parole. C'est fadatiya ou fi'liya. Maintenant, j'ai une, jazakillahu khairan. J'ai une question qui me chausse les yeux. Les yeux. Combien Allah Azzawajal a-t-il deux yeux? Quel est le dalil? Quel est le dalil? Combien Allah Azzawajal a-t-il deux yeux? Quel est le dalil? Umtimiya. Umtimiya. Combien Allah Azzawajal a-t-il deux yeux? Quel est le dalil? Tu écris seulement comme ça, yani, le début, d'un, je sens que tu as compris. Deux yeux, naam, deux yeux, qui me donne le dalil que Allah Azzawajal a deux yeux. Il me donne seulement le hadith de qui? Il parle de qui le hadith, Mtimiya? De qui il parle le hadith? Il parlait de qui le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith? Dis-moi seulement un mot du hadith, seulement un mot. Salafia 34, Salafia 34, un mot du hadith. Le prophète a dit, Dajjal, Dajjal, naam, si tu avais écrit seulement Dajjal, là j'ai compris, le hadith Dajjal, c'est ça. Dajjal il a dit, wa'alamuna rabbakum laysa bi'a'war. Ou l'a'war ou alladhi laysa law illa a'in. Ça dalla bi mufhum al-mukhalafa, mufhum sifa. Anna Allah Azza wa Jalla laysa bi'a'war. ومفهوم عدد أيضا أن الله سبحانه وتعالى ليس بأعور. كم يا الله سبحانه وتعالى a-t-il deux doigts؟ Premièrement, est-ce que الله عز وجل a des doigts؟ Est-ce que الله عز وجل a des doigts؟ Est-ce que الله عز وجل a des doigts؟ طيب كم يا a-t-il deux doigts؟ كم يا a-t-il deux doigts؟ كم يا الله عز وجل a-t-il deux doigts؟ Bon, maintenant, plus que 1, 2, 3, 4, 5, les 5 vous avez levé, je vais vous enlever les mains, comme ça je vais savoir celui qui veut répondre. Combien Allah Azza wa Jal a-t-il de doigts? Abdul Ghani, tafadhal. Muslim, je ne sais pas si tu veux répondre ou pas. Je vois ta main levée, je ne sais pas si tu veux répondre. Abdul Ghani, tafadhal. Abdul Ghani, tafadhal. Qui peut me dire combien Allah Azza wa Jalla a-t-il de doigts? Plusieurs. Plusieurs, ça peut être 100, ça peut être 200, ça peut être 1000. Mais est-ce que quelqu'un connaît combien exactement? Abdul Ghani, j'attends ta réponse. Abdul Ghani, j'attends ta réponse. Je t'ai enlevé le point rouge, j'attends ta réponse. 6. Quel est le dalil, Abdul Ghani, quel est le dalil? لحظة من فضلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je disais que Abdul Ghani a dit le hadith qui parle que Allah va mettre sur chacun de ses doigts quelque chose. Naam, le hadith que tu viens de dire, Akhi Abdul Ghani, n'a pas cité 6. N'a pas cité 6. Car le juif, l'Yahoudi, الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد إن الله يمسك أبقي لا ديسا إن الله يمسك السماوات على إصبع أندوى على إصبع والأراضين على إصبع جزيان دوى والجبال على إصبع ثلاثة والخلائق على إصبع أربعة ثم يقول أنا الملك قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بادت qu'est-ce qu'il a dit à la fin du hadith? Il a dit nawajidu, yani les dents qui sont au fond de la bouche. Ce hadith a cité 4. Ce hadith a cité 4. Lahba, une seconde, il y a quelqu'un qui frappe à la porte, je vais ouvrir et je reviens. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Fais saut. Abdul Ghani, fais saut. نعم عبد الغني عندنا حديث المشهور ذكر أن الله سبحانه وتعالى أن قلوب بني آدم كلها بين أسبوعين من أصابعه donc on a un hadith tout le monde le connaît où Allah où le prophète صلى الله عليه وسلم a dit que tous les cœurs de toutes les créatures étaient entre deux doigts de Allah سبحانه وتعالى dans ce hadith il est mentionné deux doigts c'est le hadith أتى العدد كم اثنان وفي حديث هذا تاع اليوم حديث اليهودي هذا انه ذكر اربعه اصابع اي دون سو حديث d'aujourd'hui le hadith du juif je le traduis en français il y a un juif qui est venu au prophète صلى الله عليه وسلم il lui a dit يا محمد الله عز وجل يمسك السماوات الله عز وجل tient les mains sur un doigt et les terres sur un doigt et les montagnes sur un doigt et toutes les créatures ou les khalaiq sur un doigt donc il a cité ici quatre doigts, le prophète alayhi salam avait ri, ce qui veut dire que si ce n'était pas vrai, il lui aurait corrigé, bien sûr. Il lui aurait dit, c'est faux. Et anna rasoul sallallahu alayhi wa sallam, idha sakata, fa inna sukutahu taqrir, fa kayfa idha dhahika, fa kayfa idha dhahika. Donc nous on s'arrête seulement où, yani, comme il y a dans les hadiths. On dit, il y a un hadith, c'est mentionné deux doigts, et un hadith, c'est mentionné quatre doigts. On ne peut pas dire, puisque cela, Wallahu ta'ala a'lam. Mais de toute façon, je vous chercherai encore dans cette mas'ala pour voir s'il y a plus de 4 ou il n'y a pas. Baqiya, mungkin akhir su'al, inshallah ta'ala, mungkin akhir su'al. Naam. Mathalan, quand Allah Azza wa Jalla a dit par exemple, innaka bi'ayunina. innaka bi ayunina. Yani ça donne un peu plus en français, tu es en nos yeux, ou là, sur nos yeux. Bien sûr, as-sunna wa jama'a on dit, ça veut dire anta tahta kala'atina wa hifdhina, yani toi on va, yani on te protège, c'est la protection. Mais si les mubtadi'a vont nous dire, donc vous avez dit comme nous, vous avez dévié le sens. L'azul a dit les yeux, vous avez dit, il veut dire la protection. Comment vous allez le répondre? Comment vous allez le répondre? Qui peut me répondre, inshallah ta'ala? Bon, peut-être Zinjabila, tafadali, Zinjabila, tafadali. Tu écris seulement le début, moi je comprends que tu as compris. Tu écris le début, je comprends que tu as compris. La réponse, on dit exactement ce qu'on a dit sur le visage et sur les mains. On dit Allah Azza wa Jal a dit, il a employé le mot yeux. Et ici, bien sûr, on dit c'est la protection, car on peut pas être sur les yeux de quelqu'un, sur ses yeux. Comment peut-on être sur les yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala? Donc, mais quelle est la différence entre nous et eux? Nous, on atteste qu'il a des yeux et on dit ici c'est la protection. Mais on atteste en même temps qu'il a des yeux. Et les mubtadi'a disent ici ça veut dire les yeux, ça veut dire la protection. Voilà la différence. إذا الفرق بين السنة والجماعة وبين المبتدعة أن أهل السنة والجماعة يفسرون باللازم يقولون نثبت لله العينين وفي نفس الوقت نقول هنا بتفسير باللازم يعني أن الله عز وجل يحفظه ويكلأه. أما أهل البدعة يقولون لا نثبت الأعين, الله عز وجل ليس له أعين. Voilà, mais on accepte les yeux. أهل البدعة disent il n'a pas de yeux. Le verset veut dire la protection, c'est tout. Amma dars al-yawm inshallah ta'ala, amma dars al-yawm inshallah ta'ala, fa innahu yatakallam an al-irada, yatakallam an al-irada. J'avais dit que c'était un dars très important parce qu'il parle de quelque chose d'important. Yaqul al-Sheikh Ali rahmatullah, ونؤمن بأن إرادة عفوا ونؤمن بأنه تعالى فعال لما يريد ونؤمن بأنه تعالى فعال لما يريد. Ça donne en français, ça donne en français. ونؤمن pardon en français, je suis en train de lâcher. Nous croyons aussi que Allah Azza wa Jal fait parfaitement ce qu'il veut. فعال لما يريد ونؤمن بأن إرادته تعالى نوعان ونؤمن بأن إرادته تعالى نوعان et nous croyons que la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala se divise en deux catégories إرادة كونية يقع بها مراده ولا يلزم أن يكون محبوبا له وهي التي بمعنى المشيئة كقوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد وقوله تعالى إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم. Nous croyons que sa volonté se divise en deux catégories. La première volonté, ça s'appelle la volonté universelle. C'est-à-dire l'irada al-kawniya, universelle. Et la deuxième, ça s'appelle la volonté juridique. On ne l'a pas encore vu. On va parler de la volonté universelle et il y a la volonté juridique. Irada kawniya wa irada sharaiya. La volonté universelle kawniya se réalise par elle. Ça n'implique pas forcément que Allah Azza wa Jal aime la chose qu'il réalise. Allah Azza wa Jal, quand il réalise une chose, c'est par la volonté universelle. Parce qu'il veut, elle se réalise. Si l'Azul veut quelque chose, il lui dit seulement soit et elle sera. Mais ça ne veut pas dire que cette chose est aimée par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je répète, la volonté se divise en deux volontés. L'Azul a une volonté universelle ça s'appelle irada kawniya, et ça s'appelle en arabe al-mashi'a, ça s'appelle en arabe al-mashi'a, la volonté universelle. Il y a dans cette volonté tout ce qui se passe dans le monde, tout ce qui se passe, ça s'est passé parce que Allah Azza wa Jalla l'a voulu. كل ما هو موجود في هذا العالم فإنه منوط بهذه الإرادة تسمى الإرادة الكونية وتسمى المشيئة مراد منوط بالمشيئة. C'est pour ça que السنة والجماعة disent ما شاء الله كان وما لم يشاء لا يكون. Ce que Allah Azza wa Jalla veut, il est et il sera. Et ce qu'il ne veut pas, il ne sera pas. Yani, toute cette, dans cette volonté rentre tout ce qui se passe dans ce monde. La pluie qui tombe, les gens qui meurent, ceux qui font les péchés, ceux qui font les prières, tout ce qui se passe dans ce monde, il ne se fait que par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. كل ما يقع في هذا الكون لا يقع إلا بعد أن يكون الله عز وجل أراده وأراده هنا يعني شاءه شاءه يعني الإرادة كونية إرادة كونية. كيف نعرف أنها إرادة كونية؟ هذه الإرادة لا يلزم منها أن يحب الله عز وجل الشيء الذي أراده. Cette volonté universelle, comment sait-on? Quel est le signe pour savoir que la volonté est universelle et qu'elle n'est pas par exemple juridique? La volonté universelle, on la connaît par le fait que Allah Azza wa Jal veut des choses, Allah Azza wa Jal, quand il veut une chose, quand il la veut avec une volonté universelle, ça ne veut pas dire obligément et forcément qu'il aime cette chose. Je donne des exemples. Allah Azza wa Jal, c'est lui qui a voulu créer le shaitan. Il l'a créé avec sa volonté. Allah Azza wa Jal aime le shaitan, il ne l'aime pas. Donc, la création du shaitan, c'était par une volonté universelle. Allah Azza wa Jal, خلق الشيطان. شاء خلقه, أراد خلقه. هل أراده إرادة شرعية أم إرادة كونية؟ أراده إرادة كونية, الدليل أن الله عز وجل لا يحب الشيطان. Je donne par exemple d'autres exemples, des milliers d'exemples. Que Allah Azza wa Jal veut des choses, et il les fait, il les crée, etc. Mais quelle volonté? Une volonté universelle, qui a rapport avec l'univers et ce qui se passe dans l'univers. Ça ne veut pas dire forcément que Allah Azza wa Jal aime cette chose qu'il veut. Ça, c'est la volonté universelle. Tout ce qui se passe dans l'univers, il rentre dans cela. Ensuite, il y a la volonté, juste dans la deuxième volonté, ensuite j'explique, c'est mieux. ثم فيه مدى إرادة شرعية. إرادة شرعية, وهي التي لا يلزم بها وقوع المراد, ولكن المراد فيها محبوب لله سبحانه وتعالى كقوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم. يريد أي يريد هنا إرادة شرعية, لأن الله عز وجل يحب ماذا؟ يحب أن نتوب مثلا, يحب أن نتوب. La deuxième volonté s'appelle la volonté juridique qui a rapport avec la sharia, sharia, ça s'appelle une volonté charia, juridique. Et celle-là, quand Allah Azza wa Jalla veut cette volonté, elle n'implique pas forcément que la chose voulue va se réaliser. Mais, par contre, cette chose est toujours aimée par Allah subhanahu wa ta'ala. Cette chose est toujours aimée par Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, je vais réexpliquer et donner des exemples sur Allah ta'ala pour qu'on comprenne mieux. Car si on comprend les deux volontés, la différence entre les deux volontés, on va régler beaucoup, beaucoup de problèmes dans notre aqida. Il y a beaucoup de sectes qui se sont égarés à cause de la volonté, ils ne l'ont pas bien comprise. Inch'Allah ta'ala, ça a'idu, charh, l'iradatin, wa bidarbi ba'd l'amtila, hatta inch'Allah ta'ala, nafhama l'mas'alata jayidan, li'anna aqwaman kathirina dallu, لماذا؟ لأنهم لم يوفقوا إلى فهم الفرق بين الإرادتين, أو إلى القول بأن هناك إرادتين كالمعتزلة وغيرهم. فإذا السعيد الذي وفق إن شاء الله تعالى إلى فهم هذين الأمرين. Je répète donc, il y a deux volontés في إرادتين. La volonté universelle, qui a rapport avec ce qui se passe dans l'univers. Et ça s'appelle le mashi'a en arabe. Ça s'appelle le mashi'a. L'iradat ou kawniya, ça s'appelle le mashi'a. Et donc, l'irada nou'an, irada kawniya, irada shara'iya. L'irada kawniya, tout s'appelle le mashi'a. Et il y a la halaqa de tout ce qui se passe dans le kawni. كل ما يقع في الكون لا يقع إلا بأن الله عز وجل شاءه ما شاء الله كان وما لم يشاء لا يكون وما لم يشاء لا يكون donc ça s'appelle une volonté universelle, ça a rapport avec l'univers, ce qui se passe dans l'univers. Cette volonté, comment on la connaît? On la connaît en ce que Allah عز وجل il veut des choses, il veut des choses et c'est pas forcément il les aime. Il veut des choses, c'est pas forcément il les aime. Il a voulu créer le shaitan, il ne l'aime pas. Il a créé toutes les choses, il les a créées. Toute chose a été créée. Et pourtant, il y a beaucoup de choses qu'il n'aime pas. Allah Azza wa Jalla n'aime pas le kofr. Il a créé le kofr. Il a créé Abu Jahl. Allah Azza wa Jalla n'aime pas Abu Jahl. Pourtant, il l'a créé. Il a créé le mal. Qui a créé le mal? C'est Iblis ou là, c'est Allah? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé le mal. Aime-t-il le mal? Il l'aime pas. Et pourtant, il l'a voulu. Il l'a voulu comment? Il l'a voulu parce qu'il y a une volonté universelle ou juridique? Universelle. Il l'a voulu seulement, on n'a pas dit il l'a aimé. Mais la deuxième volonté, l'irada thaniya, yelzamu min al-mahabba. L'irada thaniya, tu sais, l'irada shara'iya, la deuxième volonté qui s'appelle la volonté juridique, celle-là, il y a toujours. Il y a toujours l'amour entre elle et cette volonté. Ça veut dire ce que veut Allah Azza wa Jal par volonté juridique, ce qu'il le veut, il l'aime. Ce qu'il le veut, il l'aime. Et pourtant, la différence entre celle-là et l'autre, la deuxième, la juridique, il aime des choses et des fois il ne veut pas. Allah Azza wa Jal n'aimerait-il pas, par exemple, que Abu Jahl rentre en islam? Il l'aime, mais Allah Azza wa Jalla a-t-il voulu? Il n'a pas voulu. Si Allah Azza wa Jalla l'avait voulu, Abu Jahl serait rentré en islam. Donc, la deuxième, la volonté juridique, c'est Allah Azza wa Jalla aime des choses et des fois, il ne les veut pas. Des fois, Allah Azza wa Jalla aime que tous les gens, par exemple, soient des croyants. Mais est-ce qu'il l'a voulu une volonté universelle? Il ne l'a pas voulu. S'il l'avait voulu une volonté universelle, irada kawniya, tous auraient été croyants. Comme il a dit dans le Coran, wa law sha'a rabbuka la amana an-nasa kulluhum. Si Allah avait voulu, tous ils auraient cru. La amana an-nasa kulluhum. Ou jma'in. Yani. Donc, maintenant je vais donner par exemple quelques exemples pour voir, pour yani, que vous compreniez mieux, Allah Azza wa Jal, s'il veut une chose, s'il la veut une volonté universelle, il lui dit kun. Kun fatakun. Innama amruhu idha arada shay'an an yaqul lahu kun fayakun. S'il veut Allah Azza wa Jal une chose, il lui dit kun fayakun. Personne ne peut entraver sa volonté. Il veut, elle sera. Ça s'appelle à dire la volonté universelle. Mais la volonté universelle, quand il veut une chose, ça ne veut pas dire obligatoirement qu'il l'aime. Allah a voulu le mal, a voulu Iblis, a voulu Abu Jahl, a voulu la Zina, a voulu, mais comment qu'il les a voulu? Il les a voulu une volonté universelle. Il les a pas aimés. Et la deuxième volonté, la volonté juridique, Allah aime quelque chose, et des fois, quand il la veut, il l'aime, mais des fois, quand il la veut, des fois, elle existe, des fois, elle n'existe pas. Allah aime que nous tous en soient croyants, mais beaucoup ne sont pas croyants. Allah Azza wa Jalla aime qu'on fasse tous le ramadan. Beaucoup de gens ne vont pas faire le ramadan. Ça veut dire qu'il veut de nous, mais une volonté juridique seulement. Mais, ça veut dire qu'il aime seulement. Mais il se peut que cette chose ne se fasse pas. Parce que si Allah Azza wa Jalla veut qu'elle se passe, là, c'est la volonté universelle. Personne ne peut rendre ce que Allah Azza wa Jalla veut. Mais des fois, il veut des choses, il les aime pas. Donc, conclusion, Allah Azza wa Jalla veut des choses et il les aime pas, et il aime des choses et il les veut pas. Des fois, il veut des choses et il les aime pas. C'est la volonté universelle. Et des fois, il aime des choses et il ne les veut pas. Et des fois, il aime des choses, et comme a dit Zanjabila, et elles ne se réalisent pas forcément. Elles ne se réalisent pas forcément. D'abord, je ne sais pas si je vais continuer ou je vais donner des exemples. Je voudrais dire, pour voir que vous avez bien compris, je vais poser une question et je vais enlever les points à ceux qui vont répondre pour voir si vous avez d'abord bien compris. Là, tu voulais. Abou Salama, d'abord, tu as levé la main. Je t'ai enlevé le point rouge, Abou Salama. Fadla. بلك شاي أتاي موجودة موجود عشا أكلتها نحن لازم كل أبو سلمة pourquoi tu as levé la main, j'ai enlevé le point rouge, جزاك الله خير, تفضل si tu veux quelque chose. Sinon je demande à toutes les personnes, mes frères et mes soeurs qui sont dans la salle, quand ils n'ont rien à dire, ils ne lèvent pas la main. Parce que quand je vois une main levée, je m'arrête, je me dis peut-être qu'il y a quelque chose ou là. C'est pour ça que, préférence, si on n'a rien, on ne lève pas la main. Bon, moi je vais poser les questions. Je crois que Bousselma, peut-être il n'est même pas avec nous. Je vais dire, avant de poser la question, est-ce que quelqu'un n'a pas compris, il lève la main. S'il y a quelqu'un qui n'a pas compris, il lève la main pour que je lui répète ou je lui fasse comprendre. Tradwallah ou Tradw Hasna. Hasna. Hasna, pose ta question. Yani, j'explique, Hasna, j'explique rapidement les deux volontés, c'est ça ta question? Naam. Alors je répète. Barakallahu fikoum, essayez de bien comprendre ces deux choses, ensuite beaucoup de problèmes, inshallah ta'ala, partiront. Beaucoup de problèmes, inshallah ta'ala, partiront. Celui qui veut que je lui explique en arabe, il me dit en arabe. Et celui qui m'explique comme ça en français, je lui réponds en français. Il y a deux volontés. Vous voulez quand vous voulez. Moi, je préfère, maintenant je vais parler en français. Parce que la question m'a été posée en français. Il y a deux volontés. La volonté. Naam, si tu veux. La volonté universelle et la volonté juridique. La volonté universelle, c'est l'azul quand il veut une chose. Il lui dit soit et elle est. Ça s'appelle volonté universelle. Ça ne veut pas dire que l'azul, quand il dit à quelque chose, il lui dit soit, ça ne veut pas dire qu'il l'aime. L'azul, il dit à Blis soit, il est créé. Ça ne veut pas dire que l'azul aime Blis, aime le shaitan. C'est pour ça qu'on dit, c'est pour ça qu'on l'appelait universelle. Ah, justement, pourquoi il l'a créé? Ça va venir dans 5 minutes. Il l'a créé pour des chikmas. Il l'a créé. Pourquoi? Il l'a créé pour que le shaitan, quand il vient à moi, il vient à toi. Qu'est-ce que tu vas faire toi? Est-ce que tu vas le suivre ou bien tu vas le combattre? Tu vas combattre, il va te donner un ajr. Il va dire, voilà, Hasna c'est une mujahida. Hasna c'est une mujahida, il combat le shaitan. Et l'autre, il va aller avec le shaitan au bar. Il va aller avec lui au bar, ils vont boire de l'alcool. Donc celui-là c'est un mujahid. Et l'autre, c'est quelqu'un qui a, voilà, pour les épreuves. Et l'autre, c'est quelqu'un qui a suivi le shaitan. Et Ibn al-Qayyim, alayhi rahmatullah, dans son livre, dans un de ses livres, ou bien, Iratat al-Hafen, ou bien, Il'a al-Muwaqqi'in, il a un chapitre où il parle de pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a créé Iblis. Yani, quels sont les chikm, les différents chikm pour que Allah Azzawajal a créé Iblis. Donc, la volonté universelle, Allah Azzawajal crée des choses dans l'univers, il les crée même s'il ne les aime pas. Il les crée pour les fitna, pour les gens, pour leur faire des épreuves, pour beaucoup de choses. Justement, ça vient juste après le DAS, on va terminer par ça. Et la volonté juridique qui s'appelle le mashi'a shar'iyya, Allah Azza wa Jal, il aime des choses et pourtant des fois il les crée pas. Allah Azza wa Jal aimerait que nous tous, par exemple, il aimerait que moi, par exemple, cette nuit-là, je ne dorme pas et que je fasse la prière de la nuit. et pourtant, s'il ne veut pas ça, je vais dormir. Allah Azzawajal aimerait que tous les chrétiens deviennent musulmans. Et pourtant, s'il ne veut pas une volonté universelle, personne ne sera chrétien. Personne ne sera chrétien. Donc, la volonté, la deuxième, la juridique, Allah Azzawajal, ça s'appelle mahabba. Elle s'appelle mahabba. Allah Azzawajal aime des choses et ne les crée pas. Pourquoi? Pour des chikmas aussi. Pour des chikmas, pour beaucoup de choses qu'on va voir, inshallah ta'ala, après. Abdul Ghani, tafadhal, Abdul Ghani. C'est qui, barakallah. Je croyais que Allah ne faisait que le bien et que c'est les hommes qui pensent qu'une chose était bien ou mauvaise. Abdul Ghani, toi, tu n'étais pas avec nous dans les premiers dars de l'Aqida. On avait bien parlé un dars. On l'a fait pendant deux semaines, deux cours, pour parler du bien et du mal. Et on a donné tous les détails sur le bien et le mal. Et bien sûr, maintenant, moi, je ne peux pas tout aller répéter. Je te dis seulement que c'est Allah Azzawajal qui a créé le bien et c'est Allah Azzawajal qui a créé le mal. Mais c'est les gens qui font le mal. Allah Azzawajal l'a créé et t'a dit de ne pas le faire. Comme il a créé l'alcool et il t'a dit de ne pas la boire. Il a créé la zina et il a dit ne la faites pas. Mais c'est les gens qui font le mal. Allah Azzawajal le crée et les gens le font. Bon, Abu Salma, tafadhal. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخنا ابن تيمية. هل في صوت؟ في صوت أخانا ابن تيمية تسمعني؟ أبو سلمة، tu n'as rien dit, tu n'as pas posé ta question. Je ne comprends pas. C'est la deuxième fois. طيب maintenant, je vais poser ma question. Puisque les autres n'ont pas de questions. Celui qui n'a pas de questions, pour moi, ça veut dire qu'il a compris. Bousselma, je ne vois pas. Peut-être que tu as écrit quelque chose, je ne vois pas. Wallah ila ara. Uridun akul li ikhwani ladina yifhamuna jayidan al-lugha al-arabiya. Non, je n'ai pas vu ton écriture, Bousselma. Si tu as écrit quelque chose de long, elle ne passe pas. Il faut que tu écrives en coupure, tu coupes. Pour ceux qui comprennent bien l'arabe, irada nou'an, kouniya qadariya, وأمرية شرعية. الإرادة الكونية هي المشيئة. C'est pour ça que ceux qui divisent اللي قسموا المشيئة يقولوا المشيئة نوعان مشيئة كونية ومشيئة شرعية هذا ليس بصحيح. المشيئة هي دائما الكونية. إذا رأيت شيئا في القرآن ولو شاء الله ذلك هذا كله فإنه يريد ما يريد بالمشيئة يريد ماذا يريد الإرادة الكونية. إذن الإرادة تنقسم إلى كونية وشرعية. الكونية هي المشيئة والشرعية هي المحبة. Donc les deux volontés, la première, elle est juridique, elle s'appelle إرادة كونية, elle s'appelle مشيئة. La deuxième, la première, elle est universelle, volonté universelle, elle s'appelle مشيئة en arabe. Et la deuxième, volonté juridique, elle s'appelle محبة, elle s'appelle l'amour. Allah Azza wa Jal aime. Abu Salma, j'attends ta question pour que je pose ma question sur le DAS. J'attends ta question écrite en coupure. Tafadhal barakallahu fik. Il y a quelqu'un qui est venu, il est maintenant avec moi. Le temps que tu écrives, je vais lui préparer un thé et je reviens. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je m'excuse parce que il y avait un invité avec moi. Tayeb, vous voyez mon écriture, je peux prendre le mic. Ibn al-Qayyim, Jouzi rahimahullah, il a donné de bonnes utilités de la volonté universelle. Elle est déficiée d'un côté et mais d'un autre, comme le mal et le péché. Parce que s'il n'y avait pas de péché, il n'y avait pas le fait de se repentir, ça, c'est lors de la salah. C'est exactement ce que j'ai dit. J'ai dit Ibn al-Qayyim, il a donné beaucoup d'exemples. Il a beaucoup donné beaucoup d'exemples pour dire quels sont la chikma. Pour que Allah Azza wa Jal ait créé le mal et créé le shaitan. Il y a Tafadhal. Bon, il y a Hasna, qui est au-dessus de toi. Tafadhal. Tafadhal, Allah, je ne sais pas si c'est une sœur ou un R. De toute façon, Hasna, ça fait femme, Allahu A'lam. Tafadhal, Abu Salma, naam. Il y a Tafadhal, il y a. Il a parlé, le livre où a parlé Ibn al-Qayyim, c'est tu trouves ça dans Madarij Salikin. Il a un livre qui s'appelle Madarij Salikin. Il a un autre qui s'appelle Miftah Dar Saada. Miftah Dar Saada. Ah, surtout Miftah Dar Saada, c'est un livre yani, comme son titre. La clé, Miftah Dar Saada, la clé du paradis. طيب سلفية ما شاء الله سلفية ما شاء الله تفضل voilà point où je vais poser la première question quand Allah Azza wa Jal a dit dans un verset il parlait des gens qui se sont entretués il a dit وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُوا Mayurid. Allah Azzawajal a dit, si Allah avait voulu, il ne se serait pas entretué. Mais Allah Azzawajal fait ce qu'il veut. Mais Allah Azzawajal fait ce qu'il veut. Quand il a dit, fait ce qu'il veut. Walakin Allah yif'alu mayurid. Il veut ici. C'est une volonté universelle ou là une volonté juridique. Bon, je descends, j'enlève, je vais d'abord un point rouge à tout le monde pour savoir après ceux qui ont levé la main. طيب رياض خلينا نشوف أم رياض خلينا نشوف أم أم أم سكينة أم سكينة est-ce que la volonté ici universelle ou la juridique ولكن الله يفعل ما يريد ولكن الله في ce qu'il veut ici c'est universel بارك الله فيك universel الله عز وجل في ce qu'il veut d'ailleurs quand il a dit avant cela il a dit ولو شاء الله ما اقتتلوا ولو شاء الله Maqtatalu. Si Allah Azzawajal avait voulu, il ne serait pas entretué. Avait voulu ici. Irada universelle ou la juridique. Si Allah avait voulu. Universelle ou la juridique. Si Allah avait voulu, il ne serait pas entretué. Hakim, tafadbal. Hakim, si Allah avait voulu. Une volonté universelle ou la juridique. Universelle. Car Allah Azzawajal, quand il veut une chose, il dit kun fayakun. Personne ne peut arrêter ce qu'il veut. Ou là, on travaille cette chose. Personne. Là, il veut une chose, il lui dit « Kun fa tekun ». Allah Azzawajal a dit dans un verset, « Wallahu yuridu an yatuba alaykum ». Allah Azzawajal veut vous accepter votre repentir. « Yuridu an yatuba alaykum ».« Yurid an yatuba alaykum ». La volonté ici, il veut une volonté universelle ou une volonté juridique. زنجبيلة تفضلي الله عز وجل يريد شرعية نعم شرعية الله عز وجل يريد إرادة شرعية parce qu'il aime quelle est la preuve le signe l'amour الله عز وجل aime le repentir donc الله عز وجل aime cette chose donc elle est شرعية c'est une volonté juridique une question maintenant Allah Azza wa Jal, pardon, Allah Azza wa Jal. Quand on dit par exemple, j'ai dit que l'irada al-kouniya s'appelle Mashi'a. Et l'irada al-shara'iya s'appelle, tu vois, d'aïmen, irada. Maintenant, l'irada, allez, je laisse la question après. Maintenant, voilà une question. Yani, sur laquelle vous devez un peu penser sauf Allah Azza wa Jal je vais poser d'une autre façon je dirais que ta'at al-mu'minin wa ta'at al-anbiya wa ta'at al-malaika allati waqa'at هل تعلقت بها الإرادة الكونية أم الشرعية أم الكونية والشرعية أم لم تتعلق بها لا الكونية لا الشرعية je répète la question les adorations qu'on fait par exemple qui ont été déjà faites les adorations qu'on fait par exemple les gens qu'on fait les croyants qu'on fait les prophètes qu'on fait les anges je parle d'une chose qui a été faite Et c'est une adoration, elle a été faite. Par exemple, je donne un exemple. Le mois de Ramadan qui est passé, moi, alhamdoulilah, j'ai jeûné tout le mois. Donc, c'est une adoration. Ibadah waqa'at fil madi. Est-ce que cette adoration, qu'est-ce qui s'est attaché à cette adoration? C'est la volonté universelle, ou bien juridique, ou bien les deux, ou bien aucune des deux volontés ne s'est attachée. Qui peut me répondre à cette question? Hasna, Oum Abdallah, Ilyas, Khalil, chouf, combien ils peuvent répondre? Salam, Oum Sakina. Un naml. Allez, on voit un naml. Ça fait dans le naml, je t'ai enlevé le point rouge. Chouf, est-ce qu'il y a un autre qui va dire autre chose que ce n'est pas sharia? Ou bien que ce n'est pas seulement sharia? Oum Abdallah, ça fait dans Irada Sharaïa ou Kounia. Irada Sharaïa ou Kounia. Enfin, on va voir s'il y a autre chose. Ilyas Abou Anas. Hakim, je ne t'ai pas donné la parole parce que, Inch'Allah Ta'ala, je sais que tu vas répondre juste. Ilyas Abou Anas. Les deux, Sharaïa ou Kounia. Bon. Je vais vous donner la réponse. Khalil Zidane Chouf, Ilyas 12. Ilyas 12. Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Vous avez répondu juste. Les deux. Pourquoi c'est les deux? Premièrement, c'est une adoration qui a été déjà faite. Khalas. Yani, ada, somt ramadan, mundusana. Hala sati'an asuma. Qabl ua shay'an lam yuqaddirhu Allah azza wa jal. Hada qaddarahu wa waqa. Donc, c'est universel. En ce sens que c'est quelque chose qui s'est passé dans l'univers d'Allah. Moi, quand j'ai fait le jeûne, ada, je l'ai fait où? C'est sur terre, dans l'univers d'Allah. Donc c'est quelque chose d'universel. Là, je l'ai voulu universellement, j'ai fait le Qur'an. Et deuxièmement, ça a un rapport avec la volonté juridique. Pourquoi? Parce que là, je aime que je fasse le Qur'an, aime que je fasse la prière. Donc les deux volontés se sont attachées avec les adorations qui ont été déjà faites. Maintenant, deuxième question. Par exemple, tu me dis الطاعه التي لم يفعلها المؤمن بعد. مثلا فيما يخص هذا ان شاء الله تعالى انا لم اصلي الجمعه بعد لاننا اليوم الخامس او لاننا الحين جمعه لكن لم نصلي الجمعه بعد. هل هذه الطاعه ماذا تعلق بها؟ Par exemple, maintenant je parle d'une adoration qui n'a pas été encore faite, par exemple la prière du vendredi de demain par rapport à un croyant qui, Inch'Allah Ta'ala, va faire la prière, etc. Quelle est des deux, ou est-ce que ce sont les deux volontés qui s'attachent avec cette mus'ala? Hakim tafaddal, Hakim tafaddal. Volonté religieuse. Est-ce qu'il y a un autre? Il y a un autre qui a autre chose. Est-ce qu'il y a un autre qui a autre chose? S'il y a quelqu'un qui a autre chose. Un naml, tafaddal. Oum Sakina, tafaddali. S'il y a autre chose, tu as enlevé le point rouge. Oum Sakina, tafaddali. Hakim a dit volonté religieuse. Kouniya. Un naml a dit Kouniya. Oum Sakina, tu as enlevé le point rouge. Aucune. Ilyas. Oum Sakina, les deux. Aucune des deux. Ilyas. Aucune des deux. Oum Abdallah. Volonté Sharaïa. Et les autres qui sont dans la salle, ils ne répondent pas. Je vais choisir moi quelqu'un dans la salle. Shiraz, et toi, Shiraz, qu'est-ce que tu dis toi? Il y a quelqu'un qui n'a pas encore fait la prière demain. Il ne l'a pas encore faite. Laquelle des deux volontés c'est attaché? Laquelle des deux volontés c'est attaché? Est-ce que c'est la juridique ou bien l'universelle ou bien aucune? Mabila, le religieux rentre dans le cône, mais le cône ne rentre pas obligatoirement dans le religieux. Non. Volonté universelle. Et maintenant, moi, je vous réponds. Sauf, vous n'aviez pas beaucoup réfléchi, c'est tout. Vous n'aviez pas beaucoup réfléchi, c'est tout. C'est tout. Parce qu'on meurt, par exemple, on aura cette volonté. La vraie réponse qu'il fallait dire, bon, je termine par Zanjabila. Zanjabila, donne ta réponse. Naam. Jazakillahu khairan. C'est comme a dit Zanjabila, comme a dit Abdallah et les autres. C'est une volonté juridique. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? La volonté juridique, c'est la chose que Allah Azzawajal aime. Allah Azzawajal n'aime-t-il pas que demain je fasse la prière du vendredi? Il aime cela. Donc sa volonté juridique est attachée. Ta'allaqat biha. Il reste seulement, si je vais la faire demain, si je la fais après l'avoir fait, ça veut dire la volonté universelle, c'est encore attaché avec elle. Si je ne la fais pas, elle reste seulement la volonté juridique. La volonté juridique, j'avais dit tout à l'heure, c'est Allah Azzawajal aime des choses, mais c'est pas spécialement, il l'est fait. Il aime à l'Azawajal que demain je fasse la prière, mais il ne l'a pas encore fait. Lorsqu'il la fera demain, lorsque je la ferai la prière, ça veut dire que la volonté universelle s'est aussi attachée. Donc, la volonté universelle s'attache à la chose quand elle se passe, quand elle existe. Avant d'exister la chose, on regarde. Si cette chose est aimée par Allah, donc c'est la volonté juridique qui est attachée avec elle. Si elle n'est pas aimée, ça veut dire même la volonté juridique n'est pas attachée. Maintenant, en ce qui concerne, par exemple, le kafir, par exemple, qui est dans son coffre, il fait des péchés. Il fait le coffre, il fait le kafir. Même les gens ne sont pas kafirs, mais les pervers qui font des péchés, etc. C'est quelle volonté qui s'est attachée avec cela? Les gens, par rapport aux péchés qu'ils font, les gens font beaucoup de péchés. C'est quelle volonté qui est attachée avec ceux qui font les péchés? Abdullah, avec qui? Kouniya. Abdullah, elle a dit Kouniya. Un naml. النم تفضل كونية نعم كونية أسنج بيبوغ أنا أكسج بيس أس شوازيري سي كيسا لوزير تفضل دينو سي اللي كونية ولا لي دو ولا غيان بارابور أو بيشي كو فون لي جون par rapport au péché que font les gens. J'ai dit font, hein, c'est pas ils vont le faire. Font. C'est quel irada? Peut-être tu n'as pas de réponse. Bent Erzri. Réponds-nous, barakallahu fik. Les péchés. Beaucoup de gens font des péchés. Là, ils ont fait des péchés, ils ont bu de l'alcool ou l'ayadoubillah, ils ont fait des choses. C'est quelle irada, c'est quelle volonté qui s'est attachée avec les choses qu'ils ont faites? C'est quelle irada? Car celui qui lève pas la main pour répondre, moi je le pousse pour qu'il réponde. Peut-être qu'il n'a pas de réponse. Um Ayman, c'est quoi la réponse? Barakallahu fik. Universel, barakallahu fik. Donc, il faut, on a des signes pour savoir. Hadas est un péché. Allah Azza wa Jalla aime les péchés, il n'aime pas les péchés. Et pourtant, le péché a été fait. Et s'il a été fait, quelque chose qui a existé, donc c'est quelque chose d'universel. C'est une volonté universelle. Pourquoi? Parce que la chose a été faite, et deuxièmement, c'est quelque chose que l'Azawajal n'aime pas. Donc en fin de compte, on regarde à quoi? On regarde à deux ou trois choses. On regarde si la chose elle est faite. Si elle est faite, c'est d'abord universel. Ensuite on voit si l'Azawajal l'aime, c'est universel et quoi? Et juridique. Si maintenant elle n'est pas faite, elle n'est pas universelle. Mais si elle n'est pas faite, est-ce que l'Azawajal l'aime? S'il l'aime, elle est juridique. Ensuite, si elle n'est pas faite et elle n'aime pas, elle n'est ni juridique, ni universelle, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on se base pour pour savoir. Maintenant, la dernière question que je vais poser, je vais dire, par rapport au kouf et au ma'asé, ou là, je parle des ma'asé, du kouf des péchés, que les gens n'ont pas encore fait. Par rapport au ma'asé, au péché que les gens n'ont pas encore fait. Par exemple, demain, il y a quelqu'un qui va boire de l'alcool. Aujourd'hui, il n'a pas encore bu. Un des péchés qui vont venir demain, c'est quel irada? Je parle d'aujourd'hui, je ne parle pas de demain. Des péchés qui n'ont pas encore été commis. Pour des péchés qui n'ont pas encore été commis. On commence par l'IS, ta faute va l'IS. Bon, Abou Soufiane, il n'arrive pas à lever sa main. Tu pourrais lui enlever le point rouge, il aurait participé. Abou Soufiane, je ne vois pas où il est, Allah. Abou Soufiane, où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est? Salafiya, Shiraz, Iman, Nasram, Bouahman, Nasram, Muslim. Abou Soufiane, non, Abou Soufiane, ça. Non, ça fait mal à Abou Soufiane. تفضل أبو سفيان. Je parle des péchés qui n'ont pas encore été commis. Ils n'ont pas encore été commis. Quelle est la volonté qui s'est attachée? Ou là, est-ce qu'il n'y a pas de volonté? Ou là quoi? Qu'est-ce qu'on répond à cette question? Bon, peut-être que tu n'as pas de réponse. Allez, je donne à Zinjabila. Jabila a dit irada kouniya, car les choses, dans tous les cas, sont des choses qu'Allah n'aime pas. Malish. Hassan, tafadhal. Hassna, 92 000. Hassna. Volonté juridique, car ça n'est pas encore réalisé. Hassna, la prochaine fois, change de couleur. Barakallahu. La couleur des. Je ne peux pas la lire. Jazakallahu khairan. Ilyas, tafadhal. Il est Abu Anas. S'il s'accomplisse par la suite, voter universel. Non, je veux dire maintenant avant qu'elle s'accomplisse. Tu me donnes la réponse de maintenant. Maintenant, avant qu'elle s'accomplisse. Abdelrahman, tafadhal. Aucune des deux. Khani chouf un naml, tafadhal. Kouniya. Salam à 57. Tfadal. Abou Soufiane, alaykoum salam wa rahmatullah. Ni l'une ni l'autre. Riyad, tfadal. Amber, tafadal. Amber. Ni l'une ni l'autre, ce sont des choses que Allah déteste pour entendre. Alaykoum salam wa rahmatullah. Khalil chouf, Abdillah, tafadali. Abou Soufiane, qu'est-ce qu'il a dit Abou Soufiane? C'est pas encore le sujet. C'est pas avec le sujet ou là, c'est difficile. Parce que je sors du sujet, je rentre, un peu, c'est un peu difficile. Barakallahu fik. Tu attends juste un peu. Attends juste un peu, barakallahu fik. Avant de rentrer la suite du dars, je te donne la question. Avant de rentrer la suite du dars, inshallah. On m'a dit là, aucune des deux. Om Ayman. Om Ayman, Om Fatiha. La réponse, barakallahu fikum. Aucune des deux. Bon, Om Hajar, la dernière, Om Hajar. Aucune des deux. La vraie réponse, barakallahu fikum, la vraie réponse, c'est aucune des deux. Pourquoi, barakallahu fikum? Pourquoi? D'ailleurs, je m'étonne pour ceux qui ont répondu faux. Je m'étonne. Pourquoi? Parce qu'ils se sont pas bien basés. Comment savoir? Premièrement, j'ai dit, c'est un péché. Donc, quand je dis c'est un péché, ça veut dire, premièrement, j'enlève la volonté juridique. Je l'enlève. C'est quelque chose que Allah n'aime pas. Là, je ne vais pas parler de la volonté juridique. Donc, la volonté juridique ne s'est pas attachée. Car c'est un péché. Deuxièmement, elle n'a pas été encore faite. Une chose qui n'a pas été faite. Comment elle peut être kouniya? Elle n'a pas été faite. Kouniya, la juge va lui dire kun, c'était kun. J'ai dit moi, il ne va pas empêcher, ça veut dire il ne l'a pas fait et c'est un péché. Pourtant, quand on réfléchit bien, c'est un calcul. On trouve que c'est très facile. On trouve que c'est très facile, Inch'Allah Ta'ala. Donc la vraie réponse, c'était que les deux. Yani, il n'y a ni universel, ni juridique, Inch'Allah Ta'ala. Maintenant, je donne la parole à Boussouyane qui voulait dire quelque chose. Inch'Allah, on termine le DAS. Inch'Allah, on termine le DAS. Fadlallah Boussouyane. Pourquoi nous on disait, on parle de la machia, ça se divise, etc., etc. Parce que pour qu'on comprenne des choses et qu'on fasse comprendre aux gens des choses. Moi, quand quelqu'un, il me dit, bon, de la personnalité qui boit de l'alcool. Cette personne boit de l'alcool. Allah l'a voulu ou l'a pas voulu? Il va me dire comme ça. Allah Azza wa Jalla a voulu que cette personne boive de l'alcool ou l'a pas voulu? Je lui dis, attention, attention. La volonté se divise en deux sortes. Tu parles de quelle volonté? Tu veux dire il l'a voulu, ça veut dire il l'a aimé, c'est une volonté juridique, ou bien tu dis il l'a voulu, ça veut dire il lui a dit kun, il lui a dit kun, ça a été, il a bu le vin. C'est une volonté universelle. Ah, chef, pourquoi? Parce que les gens, quand on leur dit Allah a voulu que celui-là boive de l'alcool, Allah a voulu que celui-là devienne kafir, a voulu que celui-là fasse la zina, ils croient que vouloir c'est aimer. Car pour lui, il n'a pas de différence entre la volonté universelle et juridique. Ah, il dit classe. Donc il le veut, donc il l'aime. Comme les gens qui ne font pas la prière, tu dis pourquoi? Ils te disent, Allah, c'est là qu'il a voulu. Allah a voulu que tu ne fasses pas la prière. Qui t'a dit ça? De quelle volonté tu parles? Il faut qu'on fasse la différence. Allah, je l'aime que tu ne fasses pas la prière. Il n'aime pas. Donc ne dis pas qu'il a voulu, c'est une volonté yani, juridique. Ce n'est pas une volonté dini à sharia. Il faut faire la différence entre le kouni, la kouniya, entre faire la sharia. Ça, c'est très important. C'est pour ça qu'on raconte que, on dit dans les kutub al-sunna al-jama'a, on dit que, car les mu'tazilites ne font pas la différence. Ils ne font pas la différence. Il y a un mu'tazili qui est rentré, il y avait al-sunna, des gens de la sunna qui étaient assis, des gens de la sunna qui font la différence, alhamdoulilah, entre les deux. Ensuite, un mu'tazili est rentré. Il a dit salam alaykoum, il est rentré, il a dit, الحمد لله الذي تنزه عن الفحشاء. هذا dès qu'il est rentré, il a commencé par cette phrase. الحمد لله, je remercie Allah سبحانه وتعالى qui يعني n'aime pas les péchés, quelque chose comme ça, n'aime pas les péchés. Il تنزه عن الفحشاء, il ne fait pas les péchés. يعني il voulait dire par là, vous dites que Allah عز وجل veut les péchés. Il les veut. Vous vous dites, l'Azou veut les péchés. Et bien sûr, nous, on dit l'Azou les veut, mais entre parenthèses, les veut une volonté universelle. L'Azou l'a voulu. Bien sûr, il a voulu. Comment X ou Y peut-il faire un péché si l'Azou ne l'a-t-il pas voulu? Comment? Personne ne peut faire quelque chose. Mais il l'a voulu universellement seulement. L'Azou n'aime pas les péchés. L'Azou l'a eu chez Boulkof. Ou il n'a un kof, il n'a un fachet, il n'a un zina. El Mouhim. Quand ce Mu'tazili a dit Alhamdulillah qu'il ne veut pas les péchés, tanzah an fahsha, le sunni lui a répondu directement. Il lui a dit Alhamdulillah alladhi la yaqa'u fi mulkihi illa ma yasha. Alhamdulillah, je remercie Allah, lequel rien ne se passe en son univers s'il ne veut pas. Lequel rien ne peut se faire en son univers s'il ne veut pas. C'est pour ça que le sunna ou le jama'a disent toujours « Ma sha'allah kan, ma sha'allah kan, wa ma lam yasha la yakun. »« Ma sha'allah kan, wa ma lam yasha la yakun, abadan. » Alors l'autre, qu'est-ce qu'il a répondu? Il lui a dit, le Mu'tazil alors a répondu, il lui a dit j'ai oublié comment, qu'est-ce qu'il a dit ici « Subhan man tanaza al-fahsha, subhan man la yaqaw fi mulkihi illa yasha. » Ah, le Mu'tazil, il lui a dit Ayasha Allah al-Kufr? Ayasha Allah al-Kufr? Vous vous dites, Alhamdulillah, qui dans son univers ne se passe que ce qu'il veut. Allah Azza wa Jalla veut-il le Kufr? Le Mu'tazili a dit, Allah Azza wa Jalla veut-il le Kufr? Le Sunni lui a répondu, est-ce que quelqu'un peut-il désobéir à Allah sans que Allah Ta'ala ne le veuille? Quelqu'un peut-il désobéir à Allah sans que Allah ne le veuille, une volonté universelle, hein, tu peux toi ne pas obéir si Allah ne veut pas. ou bien faire quelque chose, ne pas la faire si Dieu ne veut pas, si Allah ne veut pas. C'est impossible. Quand il lui a répondu ainsi, le Mu'tazil s'est tu, bien sûr, il n'a plus reparlé. Il n'a plus reparlé. Il savait qu'il était égaré. Cher, quel livre vous me conseillez pour en savoir plus sur ce sujet? Barakallahu fik. Si tu lis en arabe, je te conseille tous les livres de la Aqida de Cheikh Ibn Uthaymeen, par exemple. Ou la Salah al-Sheikh. Ou la Suhani Boshuya Muta, yani A'maq, Kutub Cheikh Islam. Sur Kutub Ibn Qayyim, alayhi rahmatullah. Et, il a habité de faire un peu de temps à Kutub Cheikh Ibn Uthaymeen. Yes, c'est bon. Cheikh Barakallahu fik, concernant votre question, vous avez dit que le péché qui va se passer aujourd'hui, est-ce qu'il est connu ou charaï? C'est pas qu'il va se passer aujourd'hui, qu'il va se passer demain. Si c'est ça, c'est que le péché va se passer, donc c'est une volonté universelle, parce que Allah a voulu que ce péché se fasse. Yes, moi je parle en ce qui concerne nous. Nous on sait pas, c'est Allah Azza wa Jal. Nous, on ne sait pas si Allah Azza wa Jal va vouloir une volonté universelle pour que demain, ce péché va se passer ou cette adoration va se passer. Nous, on parle d'après notre, ce qu'on connaît, nous, d'après notre science, je veux dire. On ne parle pas de Allah Azza wa Jal, c'est si demain cette personne va boire ou ne va pas boire. Mais maintenant, nous, on regarde, on dit cette personne n'a pas encore bu. Elle n'a pas encore bu, donc la volonté universelle ne s'est pas encore attachée. Quand elle s'attache, elle ne s'attache que quand quelque chose se passe. La volonté universelle, comment la reconnaître? C'est que quelque chose s'est déjà passé. Ensuite, quand elle se passe, on regarde. Est-ce que l'Azul aime cette chose qui s'est passée ou non? S'il aime ce qui s'est passé, c'est une irada shara'iyya. Sinon, c'est la mashi'a faqat. Maintenant, je voudrais vous dire une chose pour terminer, en ce qui concerne le sujet toujours. Le mu'allif, alayhi rahmatullah, le mu'allif, fika barakallah. Y a-t-il en français? Il y a des livres en français. Il y a des livres en français, comme le livre de Cheikh Ibn Uthaymeen. Il y a un livre traduit en français qui s'appelle, je crois, les fondements de l'islam, quelque chose comme ça. Il est traduit en français. Quand tu rentres... Tu ouvres une feuille sur l'internet, tu entres dans Google, tu écris Ibn Uthaymeen, surtout si tu écris en arabe Ibn Uthaymeen, il te donne Mawqa Ibn Uthaymeen. Ensuite, tu choisis dans les livres d'Ibn Uthaymeen, il y a des livres en français. Il y a des livres en français, en anglais, en bengal, en inde. Hindou en tout. Et il y a Usul Salafat Cheikh Ibn Uthaymeen, c'est je crois aussi traduit en français. Wallahu ta'ala alam. Naam. Thumma yaqul mu'allif ala rahmatullah yaqul wa nu'min bi anna muradahu al-kawni wa al-shar'i tabi' li hikmatihi. Fa kullu ma qadaha kawnan aw ta'abbada bihi khalqahu shar'an fa innahu li hikma wa ala wifq al-hikma. سواء علمنا منها ما نعلم أو تقاصرت عقولنا عن ذلك أليس الله بأحكام الحاكمين ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون نعم هذا مهم جدا جدا en français ça veut dire nous croyons que les deux volontés d'Allah Azza wa Jal l'universel et la juridique sont régies par sa sagesse ça veut dire il fait ça avec hikma pour des hikma comme j'ai dit tout à l'heure à la sœur je lui dis ça va venir. Pourquoi il a créé Shaitan, etc. Tout cela pour des hikmas, des raisons. Ensuite, il a dit, dans tout ce qu'il décrète, universellement ou prescrit, comme acte culturel à ses serviteurs, soit qu'on sache la raison, soit qu'on ne la sache pas. C'est ça ce qui est très intéressant. Allah Azza wa Jal, il a arada Shaitan, ou l'a mouridha. Il a daïman, منوطة بالحكمة وفيها الخير الكثير خيرها يغلب على الشر الذي فيها سواء فهمنا الحكمة من ذلك أم لم نفهم الله عز وجل quand il veut une chose maintenant il l'a créé ou il l'a créé pas soit qu'il l'a créé ou bien il l'a créé pas c'est toujours il a fait ça par sagesse quand il fait. Il fait par sagesse, et quand il ne fait pas, il ne fait pas aussi par sagesse. Et toujours avec la hikmah, toujours. C'est pour ça que, là je vais donner une règle très importante. Il faut que vous sachiez que la hikmah se divise en deux groupes. Il y a la hikmah générale et il y a la hikmah, yani, si je puis dire, particulière. Hunaka hikmah amma wa hunaka hikmah khassa. Idha lam nahtadi ila al-hikmah al-khassa, mada naf'al? Narji' da'iman ila al-hikmah al-amma. Idha lam nafham limada Allah azza wa jalla fa'ala shay'an mu'ayyanan aw lam yaf'al shay'an mu'ayyanan, mada naf'al? Narji' da'iman ila al-hikmah al-amma wa naqul ma hiya al-hikmah al-amma? Al-hikmah al-amma hiya anna Allah azza wa jalla خلقنا مثلا نحن للعبادة خلقنا للعبادة فكل ما يفعله الله عز وجل ويتعبدون به فهو لحكمة والحكمة هي نفسها العبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أنت إذا لم تفهم مثلا لماذا صلاة الظهر 4 ركعات والمغرب 3 ولماذا مثلا المغرب عند زوال الشمس الظهر عند زوال الشمس والمغرب عند غروبها ولماذا نصوم بالضبط شهر رمضان لماذا لا نصوم مثلا بالضبط شهر جمادى الأول وهكذا إذا لم تفهم الحكمة الخاصة فارجع إلى الحكمة العامة وهي ماذا هي العبادة أنك خلقت لتعبد الله عز وجل ودعك عن الحكمة الخاصة التي لم توفق لفهمها أو التي لم يريد الله عز وجل أن يفهمنا إياها لحكمة أيضا donc en général quand on comprend pas pourquoi telle ou telle chose en islam, on ne comprend pas exactement pourquoi telle chose, on revient à quoi? À la hikmah générale. La hikmah générale, c'est quoi? C'est que Allah Azzawajal nous a créé pour son adoration. Tu peux pas comprendre pourquoi la prière du Maghrib c'est 3 rak'at et la dhuhr et l'asr c'est 4. Pourquoi celle-là 3 et celle-là 4? Tu peux pas comprendre. Tu dis alors moi, ce qui m'intéresse, c'est que Allah Azzawajal m'a créé pour l'adoration, pour l'adorer et faire la prière. Maintenant, je n'ai pas compris pourquoi 3 ou 4. Allah Azzawajal n'a pas voulu montrer pourquoi. Lui, il sait pourquoi. À chaque fois qu'on ne comprend pas la hikmah, la sagesse particulière, on revient à la sagesse générale qui est quoi? Qui est l'adoration de Allah subhanahu wa ta'ala. Ala sabil mithal, Omar radiallahu ta'ala anhu, une fois il était en train de faire la tawaf, ensuite quand il est arrivé Hajar al-Aswad, je sais pas comment on dit en français Hajar al-Aswad, peut-être le caillou noir, je le traduis comme ça, de toute façon vous savez ce que je veux dire. J'ai même enlevé les points rouges pour les traducteurs. Non. Quand il est arrivé le Hajar al-Aswad, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Wallahi, loula anni ra'aytu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qabbalaka ma qabbaltuk. Il a dit, Omar al-Khattab, il a embrassé le caillou, il a dit, Wallah, si j'avais pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'embrasser, je t'aurais pas embrassé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Omar al-Khattab radiallahu ta'ala anhu n'a pas compris quelle est la hikmah. Pourquoi on embrasse un caillou? Un caillou, en général, on n'embrasse pas la pierre noire. Les pierres en général, on les embrasse pas. Hein? Les pierres, on les jette. C'est pour ça que quand on fait le hajj, on jette les pierres. Mais celle-là, spécialement, on l'embrasse. Pourquoi? Alors, Omar n'avait pas compris, radiallahu ta'ala anhu, mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, comme je vous ai dit, il a dit, Wallahi, si je n'avais pas vu le prophète t'embrasser, je t'aurais pas embrassé. Ça veut dire, moi, j'ai pas pu comprendre la hikmah, mais j'ai vu le prophète t'embrasser. Allah Azza wa Jalla m'a ordonné de suivre le prophète. Moi, je suis le prophète et je ne suis pas obligé de comprendre pourquoi on embrasse la pierre. Donc vous voyez comment, quand on ne comprend pas quelque chose de particulier, pourquoi on va au général. On va au général qui est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a beaucoup de choses que certaines, par exemple, comprennent la hikmah. Il y a un alim, par exemple, il comprend la hikmah de telle chose, et même un autre alim ne comprend pas la hikmah de la même chose. Il y a des choses que l'Azul n'a pas voulu montrer la hikmah. C'est des choses qui se dépassent au niveau des cerveaux des gens. وفي الحديث الصحيح إن امرأة سألت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لها أتقضي الحائض الصلاة إذا طهرت. هذا حديث صحيح authentifié par Cheikh Al-Albani. Une femme a demandé à Aïcha رضي الله تعالى عنها est-ce que celle qui est en monstrue, celle qui avait les monstrues, est-ce qu'elle fait, puisqu'elle ne fait pas le Ramadan, puisqu'elle ne fait pas certains jours, est-ce que, pardon, elle parlait de la salat, attaqdi al-ha'id salat, est-ce que la femme, pendant le Ramadan, quand elle a les monstrues, enfin pas de Ramadan, elle parle des monstrues, c'est tout. Elle dit la femme, quand elle a les monstrues, elle ne fait pas la salat. Est-ce que après elle rattrape la salat? Est-ce qu'elle rattrape la salat quand elle se purifie? Aïcha radiallahu ta'ala anha lui a répondu par une question. Elle lui a dit, Aharouriya anti, est-ce que tu es de Haroura? Haroura, c'est un endroit où les Khawarij, les Kharijites, sont descendus pour s'entretuer avec Ali radiallahu ta'ala anhu. Elle lui a dit, Aharouriya anti, anti Haroura? Limada sa'alata wa ankarat Ali abihat su'al? Lianna al Khawarij yarawna, ماذا يرون قضاء صلاة الحائض يرون قضاء صلاة الحائض باسكو عائشة lui a dit est-ce que tu es kharijite parce que les kharijites voient dans leur madhhab dans leur secte qu'une femme qui a les menstrues quand elle se purifie elle doit rattraper les jours de la salat qu'elle n'a pas faite. Elle a dit là لست حرورية ولكن أسأل, je ne suis pas une kharijite mais je demande, c'est tout. Et عائشة رضي الله تعالى عنها a répondu كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. On avait les menstrues au temps du prophète صلى الله عليه وسلم, c'est-à-dire quand il était vivant. ثم نطهر, ensuite on se purifie. فيأمرنا بقضاء الصوم, il nous demande, il nous oblige de rattraper le carême. ولا يأمرنا بقضاء الصلاة, et il ne nous demandait pas de rattraper la salat. Il nous demandait de rattraper le siyam, le jeûne, et il ne nous demandait pas de rattraper la salat. Donc, Aïcha radiallahu ta'ala anha, donc premièrement, la femme, la Harouria, pardon, elle n'était pas Harouria, elle a dit, je ne suis pas Harouria, la femme elle dit, n'avait pas compris pourquoi, donc elle n'a pas compris la hikma, pourquoi on rattrape le Ramadan, on ne rattrape pas la salat. Ça, je n'ai pas compris. Deuxièmement, Aïcha radiallahu ta'ala anha, qui elle-même n'a pas compris aussi, ne connaît pas aussi la hikma, pourquoi, qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle a répondu par ce que j'ai dit, la hikma générale. Elle ne connaît pas la hikma particulière de cette chose. Elle a répondu par la hikma générale. Mais il y a un Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit amarana fi qada al-siyam wa la naqdi salat. Donc voilà une réponse. Quand quelqu'un te parle d'une chose, tu dis pourquoi par exemple cette chose et telle chose. Tu n'as pas de réponse, tu lui dis parce que Allah a dit ceci ou parce qu'il y a un hadith où le prophète alayhi wa sallam a dit ceci. Allah, nous, on l'adore. Je ne suis pas obligé de savoir pourquoi. Jusqu'à nos jours, les gens vont te dire pourquoi le porc hada, pourquoi le khinzir hada, pourquoi il est haram. Dis-moi pourquoi le khinzir il est haram. Il faut que tu me dises, sinon je ne vais pas m'arrêter de le manger. Subhanallah al-Azim. Pourquoi le khinzir hada? Donc quand on pose des questions comme ça, on répond directement comme je vous ai dit. On lui dit, écoute, moi je suis musulman, je suis croyant, Allah a interdit ça dans le Coran. Moi, quand je ne mange pas, j'ai un ajr. Quand je ne mange pas, j'ai un ajr et un grand ajr. Et si je mange, j'ai un péché, et je vais aller à Jahannam. Maintenant, pourquoi? Quand Allah, s'il avait voulu, il l'aurait cité. Il aurait dit, voilà pourquoi. Il n'a pas voulu le montrer. Si on peut le découvrir, nous, les ulama, il t'a donné le hikma. C'est bien un ni'mat. Il a dit, il n'y a personne qui peut savoir la hikma, khalas. Je ne suis pas obligé de la savoir. L'essentiel, c'est d'adorer Allah Azza wa Jal. Et bien sûr, certains ont dit que la hikma, certains ont dit que le khanzir hada, le porada, il a dans. Il contient des choses hakada, qui rendent la personne malade, même si elle n'est pas malade maintenant, mais. Yani, à force des jours, à force des années, il va lui arriver des choses, des maladies très graves dans son corps. Et d'autres ont dit que la hikma, mais comme j'ai dit, elle n'est dans le Coran ni dans la sunna. C'est les ulama qui ont essayé de tirer comme ça la hikma. C'est une batte la hikma. certains ont dit que le porc, le khanzir, ils disent que c'est le seul animal parmi tous les animaux qui n'a pas de jalousie de sa femelle. Tous les autres animaux, quand ils sont avec leur femelle, ils ne voudraient pas qu'un mâle s'approche de la femelle. Sauf le khanzir. Le khanzir, non seulement ça lui dit rien, et peut-être même ça lui fait plaisir. C'est pour ça que ils disent que tous ceux qui mangent le porc et le khanzir, il n'a pas de jalousie. Il vient quelqu'un, il lui dit tu permets, il prend sa femme, il va danser avec elle. Il la laisse danser. Pourquoi? Parce qu'il mange le khanzir. C'est pour ça, c'est comme ça qu'on dit beaucoup de ulama. Wallahu ta'ala a'lam. C'est ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Il est déjà 1h du matin ici. Si vous avez, inshallah, quelques questions, je vous donne la route pour poser vos questions. Maintenant, j'ai oublié, Abou Soufiane, il voulait parler tout à l'heure, il n'a pas parlé. Inch'Allah ta'ala, Soufiane, Inch'Allah ta'ala, 2 ou 3 minutes, je parle avec quelqu'un qui s'est invité avec moi et on continue, Inch'Allah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sakina, tafadhali, barakallahu fik, tafadhali. Inch'Allah, pour les questions des hommes, de préférence, ils parlent au micro pour ne pas perdre de temps, Inch'Allah ta'ala. Ceux qui veulent et ceux qui peuvent. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. J'ai 2 questions à poser, Inch'Allah. Si Allah n'aime pas que les gens soient des kuffars, alors pourquoi guide-t-il certains et d'autres non? Nous est-il permis d'utiliser la colle dans le but de soigner une plaie, par exemple? Mais l'utilisation de la colle reste uniquement dans un but médical. Voyez-vous mes questions? Naam, je les vois. Je les vois. La première question, si Allah Ta'ala n'aime pas que les gens soient des kuffars, alors pourquoi guide-t-il certains et d'autres non? Naam, Allah Azza wa Jalla n'aime pas que les gens soient des kuffars. Il aime que tous soient musulmans, mais il ne le veut pas, une volonté universelle. Car s'il avait voulu cela, ils auraient tous été croyants. Mais il le veut, une volonté juridique. Il voudrait et il aime que tous soient des musulmans et des croyants, soient pas kuffars. Alors pourquoi guide-t-il certains et d'autres non? Il guide ceux qui veulent. L'Azza wa Jalla regarde ce qu'il y a dans leur cœur. Quand il voit que quelqu'un veut cette chose, la cherche et la voudrait. Et l'âme, il la lui donne. Quand il veut que celui-là ne veut pas, quand on lui parle du dîn, ça ne l'intéresse pas. Il te fait changer de sujet. Il te dit, khlas, ça ne suffit, parle-nous d'autres choses. Ouf, tu vas nous, etc. La vie a dit, une seule vie, laisse-nous profiter, etc. Celui-là, la Azza wa Jalla, ne lui veut pas une volonté universelle, ne lui veut pas qu'il devienne croyant. Et l'autre, celui qui cherche, celui qui veut, celui qui est sincère, celui qui aime, celui qui voudrait se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jalla, il approche et le guide. Voilà la réponse, inshallah ta'ala. Allah Azza wa Jalla a dit, « In ya'lami Allahu fi qulubikum khayran yu'tikum khayran. » Si Allah Azza wa Jalla sait que dans ton cœur, tu as le bien, il te donne du bien. Et le contraire est vrai. Il sait que celui-là, il aime les choses qui ne sont pas bien, il aime les péchés, il est contre l'islam, il aime celui-là, il va lui ouvrir les portes qui vont le guider vers Jahannam. « Ça nous yassiru lahu l'usra. » les portes qui vont aider le rentrer à Jahannam. Pourtant, parfois, il y a des gens qui reviennent de très loin. Naam, ils reviennent de très très loin. Il y a des gens qui reviennent de très loin et sont devenus, il y a des gens qui étaient des bouddhistes, il y a des gens qui étaient, mais Allah Azza wa Jalla a vu dans leur cœur qu'ils étaient en train de chercher la vérité et qu'ils s'étaient dit qu'on voudrait aimer Allah, je voudrais l'adorer, ils cherchaient la vérité. Allah Azza wa Jalla aime ceux qui cherchent la vérité, aime ceux qui veulent croire, aime ceux qui veulent se rapprocher de lui, cela il les aide. La deuxième question, c'est permis de l'accord dans le but de soigner une plaie. Inch'Allah ta'ala, c'est permis. Inch'Allah ta'ala, c'est permis parce que tu parles de l'accord là. Attends une seconde. En ce qui concerne, je viens de lire maintenant, vous étiez permis de l'accord à 90% dans le but de soigner une plaie, par exemple, uniquement but médical. Les ulama font passer pour des buts نعم لالكول فون دي فارماسي صح صح مو جو كويس فوري لالكول يعني لو فان ولا هذا لالكول اون جينيرال ان شاء الله تعالى جائز ان شاء الله تعالى جائز باسكو par exemple je te donne l'exemple de ce qu'on s'appelle bunge il s'appelle bunge en français on dit quelque chose par exemple on va te mettre avec l'ibra comment ça s'appelle l'ibra bon quand on par exemple des fois on va chez le médecin voilà il nous met une aiguille par exemple on va subir une opération il va nous faire une aiguille cette aiguille va nous endormir ça s'appelle l'anesthésie en fin de compte c'est quoi elle va te rendre يعني on a plus de c'est difficile à dire tout ce qui est là en arabe je dis tout ce qui est يعني quand on fait une injection ensuite tu vas t'endormir tu sais plus ce qui va se passer etc alors que ça en principe c'est interdit pour toi parce que le cerveau on doit toujours l'avoir pourquoi on doit toujours l'avoir pour que on puisse faire les ibadat etc donc malgré cela, Cheikh Ibn Uthaymeen rahmatullah a dit ceci ça se fait pourquoi parce que le but il a dit c'est un but médical là c'est un but médical moi j'ai fait une anesthésie c'est pas pour parce que je veux sombrer comme ça mais j'ai fait une anesthésie pourquoi parce que pour arrêter les maux c'est pour ça que inshallah ta'ala les ulama font la différence quand c'est quelque chose à but médical et quand c'est quelque chose qu'on prend à but quoi à but par exemple de se saouler والله تعالى أعلم ألندومي أم سكينة سكلا فوزي سكيس يعني حديث بروفيت كي دي كلام من الوالي ودمون شكو سوانيا في جيبان بروفيت دي نو ليكا نعم صح سي فغي on se داوي on se soigne pas avec le haram on se soigne pas avec le haram ça c'est une règle on se soigne jamais avec le haram parce qu'il y a un hadith sahih qui dit ibadallah tadawu wa la tadawu bil haram. Ici les ulama ont fait une exception quand j'ai parlé d'anesthésie, ils ont fait une exception parce que le mal qu'on a sans anesthésie, c'est un mal peut-être que tellement grave que cette personne ne voudrait faire une opération pour guérir. Cette personne ne voudrait faire une opération pour guérir. Ensuite, son but, c'est comme a dit Cheikh Ibn Uthaymeen, il a dit c'est pas pour s'endormir ou là se saouler ou là mais c'est pour se soigner. Tfadl Hassan 830. Tfadl. Salam alaykoum wa rahmatoullahi wa barakatuh. Quel saut? Quel saut? Du sang. أولاً الله يكثر خيركم شيخ بارك الله فيكم عندي سؤالين إن شاء الله يعني السؤال الأول يعني lorsqu'on fréquente un frère même sous يعني un frère qui y a des jeunes qui habitent chez lui يعني est-ce qu'on doit arrêter de le fréquenter ou sachant qu'il a le projet de faire Ruqya, mais sachant aussi qu'un autre frère qui a dormi avec lui, Annie, me disait qu'il le frappait dans la nuit. Annie, le djinn. Voilà, concernant le djinn. Deuxième question, Inch'Allah, c'est Annie par rapport aux sœurs de lait. Annie, c'est par rapport à une nourrice. Annie, on m'a dit que vu son âge âgé, Annie, son sein il était sec. Annie, bzoula diala nashfa. Annie, est-ce que là ça fait partie de ce qu'on peut dire qu'on est sa sœur de lait, sachant qu'on a tété le sein avec avec une autre sœur, Annie, sachant que peut-être son sein était sec. Voilà, barakallahu fikoum. Assalamu alaikum. La deuxième question, je n'ai pas bien comprise. Je te réponds à la première, inshallah ta'ala. Quand on fréquente quelqu'un qui a un djinn, maintenant ce n'est pas interdit en islam. Mais si on sait que ça va nous faire des problèmes, on essaye d'éviter. Si comme tu as dit, je vais dormir la nuit avec lui, ensuite le djinn elle va prendre une hache ou là, elle va me couper la tête. Donc j'ai pas intérêt moi à fréquenter quelqu'un où à la rigueur je ne dors pas avec lui, aller dans la même chambre. Mais quand on le rencontre le matin, on lui dit salam et comment s'asseoir avec lui, etc. On évite les moments, les endroits où il peut nous faire mal. Où il peut nous faire mal. Car quand quelqu'un il a un djinn, on doit l'aider, inshallah ta'ala, à ce qu'il fasse la ruqya. Il l'aide, inshallah, à lui montrer celui qui fait la ruqya, ou bien on lui fait nous la ruqya, jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal le guérisse. Puis, mais la deuxième question, c'est d'avoir tété le sein d'une femme qui avait le sein sec. Peut-on bénéficier des intuitions, ça fait par exemple là. Non. En ce qui concerne tété le sein d'une femme, on ne devient pas son fils. Quand une tête en tête le sein d'une femme, on ne devient pas son fils que avec deux ou trois conditions. La première condition, on doit téter pendant la première année ou la deuxième. La première condition, c'est que quand on tète, ça doit être dans la première année. Ce n'est pas quand on va téter l'année, quand on a 10 ans ou 15 ans. Là. Il faut que ça soit la première année. Ensuite, la deuxième condition, il faut qu'on tète 5 fois. Ce n'est pas 5 fois on prend le sein avec la bouche, mais il faut que on lâche le sein, on le lâche naturellement. Ça veut dire un bébé met sa bouche dans le sein d'une femme. Ensuite, il le laisse tout seul. Ça veut dire qu'en principe, le bébé ne le laisse que lorsqu'il n'a plus faim. Il le laisse tout seul. C'est pas par exemple quelqu'un qui rentre qui va lui faire peur, il rentre, il claque la porte, le bébé lâche le sein. Non, il faut que ça soit lui qui le lâche de lui-même. Il faut que, donc, il faut yishba 5 fois. Il faut qu'il s'assouvi du lait 5 fois. Sinon, il ne devient pas son fils. Voilà pour cette question. Attends une seconde, je vais te vérifier pour en ce qui concerne l'année. Est-ce que c'est une année ou deux ans? Attends. Je dois vérifier. J'ai comme un petit doute si c'est une année ou la deux années. Hein. Je crois que c'est deux années. Je voudrais vérifier. Hein. Quand on dit fragment de bon temps, c'est deux ans, je crois. Je crois que c'est deux ans, je voudrais être sûr. Hein. Pardon. Je suis en train de vérifier le hadith. Pardon, une seconde. Barakallahu fikoum. Quand ça fait que longtemps qu'on ne parle pas d'une chose, on l'oublie. Bon, je ne l'ai pas trouvé ici. Inch'Allah, la prochaine fois. C'est pas dans le Coran, Hadia. C'est pas dans le Coran. C'est dans un hadith sahih. C'est dans un hadith sahih. Le hadith, je ne l'ai pas ici devant moi. Là, il y a une mouchkil. Méchante femme, t'as pas de balai. Elles ne sont pas considérées comme une sœur de lait. Si elles ont fêté quelque chose de sec, elles ne sont pas considérées. Il faut que ça soit 5 fois, jusqu'à ce que Nishba, il faut que ça soit dans les 2 ans. Maintenant, je viens d'être sûr, c'est pas une année, hein, c'est 2 ans. Il faut que ça soit dans les 2 premières années. on n'a pas le droit de les côtoyer, bien sûr. Si elles ne sont pas nos vraies sœurs, elles doivent se cacher de nous, faire se cacher leurs cheveux, etc. Et nous, on ne doit pas rester avec elles sans mahram. Sans mahram. Et t'as fait de l'aller, méchante femme, barakallahu fik, fika barakallahu fik. Le temps que méchante femme, inshallah ta'ala, écrive, il y a une question d'une personne qui dit que, à peu près, voilà, à peu près ce qu'elle dit la personne, elle dit que, elles se sont paresseuses, la personne. Ils sont paresseuses, elles passent beaucoup de temps à dormir. Elles passent beaucoup de temps à dormir. Ensuite, elles sont que sa croyance faiblit. Ensuite, elles sont qu'elle n'a pas de sens, qu'elle n'a pas de but de sa vie. À peu près, c'est comme ça. Je veux dire, yani, quels sont les conseils, inshallah ta'ala. Que je voudrais lui dire que les conseils, c'est que, premièrement, il faut pas oublier que la sorcellerie, le sihr, ça se divise en plusieurs sortes. Il y a une sorte, ça s'appelle sihr al-khumul. Sihr al-khumul. En français, c'est à peu près la sorcellerie qui fait de sorte que si elle t'atteint, tu deviens très paresseux. Comment on connaît cette personne? Quand elle dort beaucoup, quand elle n'a plus envie de cette vie, quand on le voit traînant, par exemple traînant ce qu'on appelle les blérag, les souliers par exemple, il les traîne comme ça dans la rue, il ne se coiffe pas. Et là, celui-là, on dit subhanallah, il était avec nous à chaque fois à la mosquée, etc. Qu'est-ce qui s'est passé subitement? Celui-là, il a été ensorcelé, la sorcellerie de quoi? De la paresserie ou de la paresse. Il y a la sorcellerie de l'amour pour aimer quelqu'un. Il y a de la paresse, il y a beaucoup de sortes. Et moi-même, la première des choses, la personne toujours doit commencer par la ruqya pour voir comment yani, moi qui étais actif, etc., je suis devenu comme ça, paresseux. Si Inch'Allah Ta'ala, il n'y a rien, après la ruqya, il n'y a rien, on n'a rien trouvé, il faut que la personne yani, fasse du djihad. Car le djihad, ce n'est pas toujours prendre les armes. Il y a le djihad des armes, il y a le djihad des âmes, djihad nafs. Celui-là est beaucoup plus demandé que l'autre. Car le djihad de l'âme est demandé tout le temps. L'autre, il n'est demandé que des fois. Si tu vis 30 fois, il n'y a pas le djihad des armes. Si 30 ans, il n'y a rien. Mais le djihad de l'âme est demandé. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith Bukhari, Al-Mujahidu man jahada nafsah. Donc, cette personne doit faire le djihad de son âme. Pourquoi? Pour que se disent, je vais prendre un mokif, à partir d'aujourd'hui, il faut que je me règle. Parce que quand je dors beaucoup, c'est du temps perdu, c'est du temps qu'on regrettera le jour du jugement dernier. Au lieu d'ouvrir un livre et de lire, au lieu de talb al-ilm, au lieu de là, je passe mon temps, 15 ou 16 heures, je ne sais pas quoi dormir. Ensuite, quand je dors beaucoup, il y a des prières qui vont passer, je ne vais pas les faire. Ensuite, ça veut dire qu'on n'a pas la himma. La himma yani, est très faible chez nous. Yani, on n'a pas de sens dans cette vie. On n'a pas de sens. Il faut que l'insan il fasse le djihad de son âme. Yani, il se dise, il faut que je me combatte. Il faut que je me combatte. J'ai un ajr quand je me combats. Pourquoi? Parce que c'est le temps qui est en train de passer. Et il faut que je me fasse des buts. Il faut que je me fasse des buts. Le grand but pour celui qui ne travaille pas, là, le grand but c'est quoi? C'est de talb al-ilm. Il va dire, voilà, je vais prendre un ou deux livres, je vais prendre un cahier, et je vais lire, et je vais noter, et je vais assister comme ça dans des salles, je vais poser des questions, je vais ceci, je vais cela, et faire beaucoup de doigts, et se dire que c'est pas les selfs qui faisaient cela. L'Azawi, quand il parle des selfs, il dit, كَانُوا قَلِينًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ. Ils dormaient très peu de temps la nuit. Alors ceux-là dormaient la nuit, quand ils ont besoin de dormir, ils dormaient très peu de temps. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient le jour? Là, je lui ai dit, وَالَّذِينَ هُمْ, il a dit sorte, comment ça s'appelle la sourate très connue, وَعِبَادَ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَيَخْطَبُونَ جَمِيعًا قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. Yabitoun, il passait la nuit tout en se prosternant et en s'inclinant. Il faut que tu saches que Allah Azza wa Jal t'a créé pas pour perdre de temps. Le temps, tout cela, c'est contre toi. Le temps, c'est contre toi. Tout le temps qui passe là, tu regretteras beaucoup le jour du jugement dernier de l'avoir fait passer dans le sommeil tu vas aller, quand tu vas mourir, tu vas aller à la tombe et tu vas dormir jusqu'au jour du jugement dernier, si on est croyant. Les anges vont te dire Nam, Nam, dors, Nam, Kelladi, Yuhib, Yanam, ou Yuhib, An, Yuqidahu, Ahabu Ahli Ileh. Donc, c'est une question de volonté, Inch'Allah Ta'ala, c'est une question de s'asseoir comme ça et réfléchir, essayer de changer, essayer de faire des projets entre les yeux, essayer de. Yani de la plus belle chose, c'est Talib al-Ain, c'est Insanit al-Ain. Et avant cela, comme j'ai dit, Insan, il essaye de faire la ruqya, essaye de faire la ruqya, et la nuit avant de dormir, il joint ses deux mains, il crache, c'est pas il crache, il fait seulement comme ça, à l'intérieur, et il lit, qul huwa Allah, qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas, ensuite il joint ses mains, il les frotte, ensuite il s'essuie, il commence par la tête, et il descend la tête, le visage, les deux mains, la poitrine, ensuite il fait des doigts, et il dort, et il essaye, comme on dit, Inch'Allah Ta'ala, de revenir à la normale. Wallahu Ta'ala alam, c'est un conseil que je donne, Wallahu Ta'ala alam. Abu Nam, Abu Yes, méchant sans salam, je voudrais vous parler en privé pour le premier problème d'hier. Barakallahu fik. Naam, Inch'Allah Ta'ala, quand je termine, Inch'Allah Ta'ala, quand je termine. Annam, tafadal, barakallahu fik. Akhi, Annam, mange, Inch'Allah, mange. Mange. Et ne cherche pas beaucoup, ne rentre pas beaucoup dans ces détails, tu vas te faire beaucoup de machakil. Tu vas te faire beaucoup de machakil. Nous, on est resté en 1978 et en 1980 là, on est resté 2 ans là, 3 ans en Algérie en train de parler du fromage. Est-ce qu'il est haram, est-ce qu'il est halal, le fromage rouge, est-ce qu'il contient quelque chose du sanglier, il contient pas, on est resté 2 ou 3 ans à faire dans notre temps. Enfin, après les ulémas ont dit que mange et tu dis bismillah et tu manges et ne rentre pas beaucoup dans tous ces détails, sinon tu vas te faire beaucoup de problèmes, tu vas rentrer dans le wiswas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des gens, on lui donnait des gens, c'est par les majus ceux-là, pas les chrétiens, les majus, et ils le mangeaient, les sahabas mangeaient ce fromage quand ils étaient en Irak, ils l'ont mangé. Le prophète Aïssouan, tu dis bismillah. On lui a dit, il y a de la viande qui vient de d'autres pays, on ne sait pas s'ils ont dit bismillah ou s'ils l'ont égorgé, s'ils l'ont pas égorgé. Il a dit, entoum taquluna bismillah. Toi, tu dis bismillah et tu manges. Ne rentre pas dans beaucoup dans les détails, parce que sinon, tu vas avoir le ouswes. Wallahu ta'ala alam. Abu Sufyan, tafadal. Abu Sufyan, je t'ai enlevé le point rouge. Tafadal, si tu prends le micro, viens, tu écris. Inch'Allah, il reste une demi-heure. Il est déjà 1h30 du matin ici. Je crois que le temps que Abou Sufyan écrive sa question, je descends à Hilal 406 et je demande à tous les Khoa et les Akhawat de préparer la question. Ne pas attendre que je leur enlève le poids. Mais qu'ils, quand je leur enlève, ils collent seulement. Tafadal Hilal. Naam, je l'ai reçu et je crois même que je t'ai cherché pour te répondre, je t'ai pas trouvé. Si tu peux me ressouvenir, tu m'écris maintenant un mot ou deux pour me souvenir de ce que tu as dit. J'ai oublié maintenant. Ça, par rapport au rêve, ça. Et la question est venue, ça fait au moins 10 jours, ou là une semaine. Et je ne t'ai pas vu dans la salle, on ne s'est pas rencontré. Je vais te répondre, Inch'Allah Ta'ala, après que je réponde à la question que je suis en train d'attendre. Très beau, Sylvain, je crois que je ne sais pas si tu as une question à poser ou pas. Je ne sais pas si tu as une question à poser. Tu as dit, Ahsana, Allah wa ilaykum. Amin, wa ilaykum aydan. Wa ilaykum aydan, Inch'Allah Ta'ala. Donc, qu'est-ce que j'ai lu sur le rêve, là? Non. En ce qui concerne, depuis un moment, un frère va aller manger, Inch'Allah, pour un mois. Il n'a pas de maison là-bas, il loge juste sa famille. Est-ce qu'il fait la salat moussef tous les mois? Ou bien qu'on vient en ce qui concerne la salat? Pour quelqu'un qui, par exemple, est en France, Moustoutin, il est en France, il habite toujours là-bas. Il est là-bas depuis des années, peut-être qu'il est né là-bas, peut-être. C'est un Algérien, par exemple. Ça fait, par exemple, 10 ans qu'il est là-bas, 20 ans. Ça, c'est le Moustoutin, celui-là, il n'est pas en France en vacances. Il habite là-bas, khalas, c'est son pays. Et où il habite. Celui-là, quand il va en Algérie, même si l'Algérie, c'est son pays, quand il va là-bas, même s'il va chez son père ou là, sa mère ou là, chez sa famille, quand il fait la prière, il raccourcit la prière. Il fait seulement la moitié, sauf le Maghreb, bien sûr. Sauf le Maghreb, bien sûr. Même s'il l'a fait un mois ou deux ou plus. Hier, j'avais dit que Anas ibn Malik, radiallahu ta'ala anhu, a fait la prière raccourcie 2 années. C'est un hadith sahih, 2 années. Et Misrouq l'a fait 2 années, radiallahu ta'ala anhu. Abdurrahman ibn Samoura l'a fait 2 années. Et Abdullah ibn Omar l'a fait 6 mois quand il était en Adrabidjan. Adrabidjan. Quand il était là-bas, il a fait la prière 6 mois. 6 mois, il l'a fait de suite. C'est pour ça que les ulama disent, quand quelqu'un, en ce qui concerne. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Fais saut, Bilal. Je suis d'affaire, saut, Bilal. Est-ce qu'il y a du son, barakallahu fik? Ah, fais jazakallahu khairan. Subhanallah al-azim, moi j'étais déconnecté et je savais pas. Subhanallah al-azim. J'étais déconnecté et je savais pas. Jusqu'à ce que un frère, jazakallahu khairan, un frère, d'ailleurs il est là, Abdullah 15, je savais pas qu'il était là avec nous, il m'a téléphoné d'Angleterre pour me dire tu n'es pas en train de parler. Alors que ça faisait 4 ou 5 minutes, j'étais en train de parler dans le vide. J'étais en train de dire que les ulama ont dit quand quelqu'un, je ne sais pas s'il est là à Boussfiane, je crois qu'il est sorti, attends, je vais voir à Boussfiane. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Boussfiane est sorti. Faut que je lui réponde. Là, il est là. Je disais que les ulama ont dit en ce qui concerne le Moussafer, en ce qui concerne le Moussafer, il se divise en 3 grandes subdivisions. La première, quand il part vers un pays pour ne plus revenir. Par exemple, moi je suis en Algérie, je vais aller au Koweït, je vais aller habiter là-bas pour ne plus revenir. Celui-là, il doit faire la prière normale, il ne doit pas raccourcir la prière. Pourquoi? Parce qu'il là, il va prendre le pays comme Watan. Il va prendre le pays où il va habiter comme Watan. Il va dire, je vais rester là-bas toute ma vie jusqu'à ce que je meure ou bien la Hukuma va me faire sortir ce pays. Il va rester tout le temps là-bas. Celui-là, il fait la prière normalement. Il y a le Dhuhr 4, le 4-4, c'est normal. Maintenant, le deuxième voyageur, celui qui part dans un pays et il ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Par exemple, il a quelque chose à faire là-bas. Il va dire, je vais aller là-bas jusqu'à ce que je vende, par exemple, ma marchandise et je reviens. Ou bien, je vais aller là-bas jusqu'à ce que, par exemple, mon pays devienne bien, etc. Je vais aller là-bas jusqu'à ce que la fitna arrête, etc. Celui-là, quand il va avec cette niya, les ulama ont dit, il fait la prière, il ne la fait pas longue, il la raccourcit. Parce qu'il n'a pas pris le pays où il est allé comme son pays. Il est allé pour un besoin seulement. Et il a dit, mais il connaît pas quand est-ce que se termine son voyage. Quand la chose se termine, il dit je reviens. Quand je vends ma marchandise, je reviens. Quand la fitna se termine, je reviens, etc. Celui-là, il raccourcit la prière. Et le troisième voyageur, celui qui va dans un pays, et il sait quand est-ce qu'il va revenir. Il dit par exemple, je vais aller dans un pays, par exemple, je vais rester une année, je vais revenir. Je vais aller dans un pays, je vais me soigner ou là, par exemple 6 mois et je vais revenir. Celui-là, celui qui sait quand est-ce qu'il revient, les ulama se sont ont diversifié. Certes, il y a en 2 groupes pour celui qui sait quand est-ce qu'il il revient. Certains ont dit, il fait la prière normalement, longue. C'est Malik radiallahu ta'ala qui a dit ça, et Ahmed et Shafi'i, radiyallahu ta'ala anhum. Radiyallahu ta'ala anhum, ça veut dire c'est un dua, c'est pas, on dit que radiyallahu ta'ala anhum, seulement les sahabas, mais c'est un dua. Comme j'ai entendu une fois Cheikh Al-Albani, il parlait de Ibn Baz, il a dit Ibn Baz radiallahu ta'ala anhu. Al-Muhim, celui-là, les trois ont dit il doit faire la prière longue. Et le deuxième groupe des ulama ont dit il l'a fait court. Même celui-là, même s'il reste 3 ans, 4 ans, mais il sait quand est-ce qu'il va revenir, il l'a fait courte. Ceux qui ont dit cela, c'est Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, Cheikh Saadi, Cheikh Ibn Uthaymin, ala rahmatullah. Ils ont dit, quiconque va dans un pays, il sait qu'il va revenir, même s'il sait qu'il va revenir, il peut la faire courte. Alors que s'il ne sait pas, bien sûr, il doit la faire courte. Donc celui qui ne la fait pas courte, celui seulement qui va dans un pays pour y habiter pour toute sa vie. Il va dire, moi je vais rester ici toute ma vie. Al-Muhim, en ce qui concerne la personne qui voit beaucoup de choses en songe, et qui a dit que elle avait quelqu'un de la famille qui était même un sorcier, que beaucoup de fois elle le voit dans le songe. Il lui vient dans le songe, et elle voit des chiens noirs dans le songe, il y a des chiens qui la mordent dans le songe. On lui dit, tu as un sihr, je vais t'enlever ce sihr, je vais t'aider, etc. Je dis à cette personne qu'il faut être très vigilant. Cette personne, je lui dis, sois très vigilante. Pourquoi? Parce que c'est le shaitan qui vient. La grande preuve, c'est les chiens noirs. Le chien, c'est déjà un shaitan. Comment? S'il est noir. D'ailleurs, c'est le chien noir qui annule la prière. Et l'autre chien n'annule pas la prière. S'il passe devant toi, tu n'as pas de soutien. Le chien noir t'annule la prière. Il a dit, c'est shaitan. Dans le hadith, il a dit, il parlait de l'homme, il a dit, ma'ahu, inna ul qarin, shaitan, il a dit, ma'ahu ul qarin. C'est pour ça que ce chien, le chien noir, on le tue, et les autres chiens, on ne les tue pas, sauf s'ils nous mordent, mais le chien noir, surtout s'il a une tache entre les yeux, celui-là, on le tue, même s'il ne nous mord pas. Alors que les autres chiens, il est interdit de les tuer, sauf s'ils nous mordent, ou bien ils nous font du mal. Je disais, il faut bien prendre garde, parce que le shaitan va venir et il commence en train de venir et te montrer des choses, il va dire je vais t'enlever le cerf, je vais te montrer le cerf. Ensuite ça va se terminer par quoi? Il va essayer, s'il peut, Allah subhanahu wa ta'ala, il va essayer s'il peut pour habiter. Ensuite il viendra le jour, il va te dire dans le songe, on veut t'aider, tu vas travailler avec nous, tu vas devenir une voyante, tu vois ceci, tu vois ça. Il faut bien prendre garde dès maintenant à dire beaucoup, être aussi, à faire la ruqya avant de dormir, tu joins les deux mains avant de dormir, tu essaies toujours de dormir avec le wudu, toujours de lire du Coran avant de dormir, de lire beaucoup surat al-Baqara, de joindre les mains avant de dormir, tu fais pas un crachement, tu fais comme ça sur tes mains. Ensuite, tu les qul huwa Allahu ahad, qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas, tu t'essuies bien, tu lis beaucoup les ad'iya pendant la journée, ça s'appelle tahsinat, parce que moi je connais des gens qui ont commencé comme cela, et ont fini très mal, parce que au lieu d'être vigilant, au lieu de combattre, ça leur a plu. Ils disent, oh là là, yani, je vois des choses, je commence à voir, ensuite on va dire quoi? On va dire, et Allah subhanallah azza wa jal m'a donné cette vision, il m'a envoyé un ange dans le songe, etc. Alors tout ça, c'est pas vrai. Comme il y a seulement 10 ou 15 jours, il y a une femme qui a dit, Omar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu, je l'ai vu dans le songe, il m'a pris la main, il m'a serré la main et il m'a dit, khalas, tu commences, inshallah, à donner la parole aux gens et devenir voyante. Elle a dit, ça fait seulement 10 jours là. C'était dans une majella ici. Elle était habillée en blue jean serré, elle a vu Omar al-Khattab, et Omar al-Khattab, mashallah, il prend les mains des femmes, il serre les mains des femmes, et en plus de ça, il va lui dire, tu es une voyante, on t'a donné la vision, tu peux commencer. A'udhu billah, a'udhu billah, a'udhu billah, que Omar dit cela. Celle-là, elle a vu qui? Elle a vu le shaitan, le grand shaitan, qui est venu sous la forme de Omar. Et puisqu'elle n'a ni religion, ni din, ni ilm, ni hadith, ni rien, c'est pour ça qu'elle a suivi le shaitan et elle n'a pas compris que c'était le shaitan. Par rapport au sortilège caché, yani, comment toi tu sais qu'il y a un sortilège caché? Comment tu sais? Parce que moi quand j'ai lu l'autre, quand je suis arrivé ici, je n'ai pas bien compris. Quand je suis arrivé aussi, je n'ai pas bien compris. Je vais dire exactement ce que tu as dit. Voilà ce que tu as dit. Et aussi, il y a quelques mois, je rêvais encore d'un sihr caché. c'était encore un rêve, nous montrant et se cacher le sortilège. Ça, c'est toujours le rêve. Ça, c'est toujours le rêve. Le rêve, il te dit, il y a un sortilège caché, tu vas dans le rêve, tu le vois, etc. Mais c'est toujours le rêve. Moi, je parle, est-ce que tu t'es réveillé et tu as trouvé le sortilège qu'il était caché, est-ce que tu l'as trouvé? Et même en le trouvant, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose d'Allah subhanahu wa ta'ala, même en le trouvant. Mais ça devient quelque chose d'Allah subhanahu wa ta'ala quand il n'y a pas les chiens dans le rêve et quand il n'y a pas le sourcil, etc. Comme Aïcha radiallahu ta'ala anha, Aïcha radiallahu ta'ala anha, on lui a fait du sihr. Et Hafsa radiallahu ta'ala anha, on lui a fait du sihr. Hafsa a tué la sorcière qui lui a fait du sihr. Et Aïcha radiallahu ta'ala anha a dit, j'ai vu dans le manam, j'ai vu dans le songe, et c'est un hadith sahih, bien sûr. Elle a dit, j'ai vu dans le songe, Allah Azza wa Jalla m'a montré un puits, et on m'a dit dans le songe, si tu te laves avec cette eau, tu vas guérir. Et elle est allée, quand elle s'est réveillée, elle est allée dans ce puits, elle a retiré de l'eau, elle s'est lavée, alhamdoulilah, elle est guérie. Donc, hadou les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et des fois le sihr les atteignait. Et le sihr les atteignait, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a été atteint par le sihr de l'Abid ibn al-Asam, la'anahullah. Il a fait le sihr au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lana wa lakum l'afiyya. Donc toi, inshallah ta'ala, tu fais dès maintenant les vaccins, c'est tahsinat. Tu ne laisses pas à devenir malade, donc tu vas chercher le médicament. Dès maintenant, inshallah, tahsinat, et tu essaies d'oublier ce que tu vois dans les songes, tu essaies de les oublier et de ne pas les raconter aux gens. Et pour seulement t'encourager, je vais dire quelque chose seulement pour t'encourager. Même moi-même, je vois des fois beaucoup de chiens dans le songe. Et beaucoup de fois, enfin, de temps en temps, il y a un chien qui veut me mordre. De temps en temps, il y a un chien qui veut me mordre. Et moi-même, je sens des fois, je me dis, je crois que j'ai un sihr. Bien sûr, j'ai fait plusieurs ruqya à moi-même, etc. Alhamdoulilah, je n'ai rien trouvé. Mais même moi, j'ai un chien qui vient de temps en temps. Ça veut dire, je reste peut-être un an, deux ans, il ne vient pas. Ensuite, il commence à venir. Ensuite, il reste six mois, huit mois, il ne vient pas. Ensuite, il commence à venir. Donc, même le chien là, Inch'Allah ta'ala, c'est pas grave. Tu peux, Inch'Allah ta'ala, le combattre jusqu'à ce qu'il aille, ne revienne plus, ou bien jusqu'à du moins à ce qu'il reste 5-6 mois sans qu'il vienne, Inch'Allah ta'ala. Tfadal Abu Bilal, tfadal Bilal, barakallahu fik. Salam alaikum, il y a eu des morts pour un match de foot Coupe du Monde. Pouvez-vous nous conseiller, ceux ou celles qui regardent ces matchs, Allah ijazé. Et je crois, Allah ta'ala, je crois. Enfin, quand je dis je crois, ça veut dire à 90%. Que quiconque yani meurt, arrive à mourir pour un match pareil, ou à cause du football, c'est que Allah Azza wa Jal a voulu à cette personne Jahannam. Il lui a pas voulu du bien, il lui a voulu du mal, et il l'a fait mourir comme ça, dans quelque chose que yani Allah Azza wa Jal n'aime pas. Alors, il meurt peut-être par crise cardiaque. Qu'en est-il de ceux ou de celles qui se suicident, qui à cause d'un match ou là, à cause d'un chanteur célèbre qui est mort ou là, ils vont se suicider. Alors ceux-là, Allah Azza wa Jal, comme vous devez savoir, pour quelqu'un qui se tue, que yani, c'est quelque chose de très grave en islam. Et maintenant, s'il meurt à cause de quelque chose de lahou et quelque chose de lahou, il meurt comme ça dans un stade où c'est plein de yani, où la plupart qui sont dans le stade sont très très très loin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc même s'ils font la prière ou là, ils sont très très très loin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, ils sont dans une chose ou là dans un état que le vrai croyant ne souhaiterait pas être avec eux, bien sûr. Allah lana wa lakum al-husn khatima. C'est pour ça qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous aide afin qu'on meure une mort qui le réjouit, Inch'Allah ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Ou Muhajir, tafadali, barakallahu fik, parce qu'il ne me reste plus de temps. Amin. Il ne me reste plus de temps. Et j'ai déjà un invité avec moi qui, depuis 2 heures, il est assis et je ne suis pas en train de lui parler. Une sœur qui a été adoptée depuis toute petite. Est-ce que les hommes dans sa famille Donc ils sont des mahram pour elle, doit se couvrir. Les hommes ne sont pas de la famille pour elle. Elle doit se couvrir. Quand on adopte quelqu'un, c'est un étranger, il ne peut jamais, jamais être qui ? Il ne peut être jamais quelqu'un comme yani, un vrai, quelqu'un vrai de la famille. Jamais, sauf dans le cas où il allait. Pardon, il allait. Sauf dans le cas où il boit le lait de la femme. Il devient son fils. Sinon, il est toujours un étranger. Même pour son père, même son père adoptif. Même son père adoptif. Même son père adoptif, c'est un étranger. C'est un étranger. Le père adoptif doit dire à la fille, elle dit par exemple, que yani, je ne suis pas ton père, etc. Que tu dois cacher tes cheveux, etc. de moi, parce que c'est un étranger pour elle. C'est un étranger pour elle. Abdelkader, tafadhal. Fiki barakallah. Abdelkader, tafadhal, barakallah fiki. Assalamu alaikum. Inch'Allah, est-ce qu'on m'entend? Barakallahu fikoum. Cheikh, je voulais poser une question, Inch'Allah. Je voulais savoir quels sont les horaires où on peut téléphoner, Inch'Allah. C'est ma première question. Je voulais savoir aussi, Inch'Allah, est-ce que je peux avoir un PV? J'en ai pour 5 minutes, Inch'Allah. Barakallahu fikoum. Assalamu alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. En ce qui concerne le téléphone, on commence par le téléphone. En ce qui concerne le téléphone, en principe c'est, disons, après Salat al-Asr. Disons, après Salat al-Asr, ici au Koweït. Il y a 2 heures entre nous et l'Algérie, 1 heure entre nous et la France. Disons, après Salat al-Asr, Inch'Allah ta'ala. Pour le PV, spécialement aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être je m'excuse. Je dis, ça fait peut-être 2 heures, il y a un invité qui est passé ici à côté de moi et je lui ai pas encore parlé, sauf 2 ou 3 mots comme ça très vite. Ensuite, il y a une femme qui avait demandé un PV tout à l'heure. Je ne sais pas si elle est là. Même si elle est là, je lui dis de m'excuser. Je lui dis de m'excuser parce que... D'accord, alors puisque tu as une question à poser et puisque c'est très important, je pose une question. D'accord. Alors, je vais ouvrir le PV, le temps de donner la question à...